qui est cet homme qui a fait parler tant de gens? Bon, c'est une question qui n'est pas suffisamment précise pour qu'on puisse y répondre d'une façon précise rapidement. Si tu veux que j'élabore sur ce qu'était le Nazaréen, ben, tu peux prendre le reste de la conférence. Et tu n'es pas encore habitué, mais normalement, l'intervieweur me pose une question et la deuxième, c'est lors de la deuxième partie. Bon, ben, sur ta suggestion, je vais te poser la première question. D'accord. Alors, il s'est d'abord présenté comme un enfant, n'est-ce pas? Et on parle beaucoup de Medjugorje, de cet ainsi, d'une dame, de Marie, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de son enfantement? Bon, on peut dire tout ce qu'on veut dire. Le Nazaréen lui-même, c'est plusieurs choses. On ne peut pas penser qu'à un moment donné, il y a plusieurs termes. Il y a le terme Christ, il y a le terme Jésus, Sauveur. Le Christ, disons, Messie ou encore Rouen. Il y a évidemment le Nazaréen. Il y a une panoplie de noms qui, à un moment donné, lui ont été attribués. Alors, si on veut savoir qu'est-ce que c'était à la naissance, bien, à la naissance, c'était un corps de chair. À la naissance, c'était un enfant comme le sont tous les enfants, sauf que, faut faire attention, c'était dans l'apparence un enfant comme le sont tous les enfants, sauf que sa génétique, sa biologie génétique avait été relativement d'avant-garde, ce qui permettrait à cet enfant, par la puissance de son système endocrinien et de son système neuronique, son cerveau, de pouvoir supporter à un moment donné une énergie qui, jusqu'à date, n'avait été supportée que par des vieillards peut-être comme Moïse, comme Abraham, comme quelques autres, et qui n'avait pas encore été supporté par un corps jeune, ce qui fait que lorsque le vieillard arrivait à supporter une partie de cette essence christique, normalement le corps était relativement désagrégé, ce qui fait que lorsque ce vieillard devenait sage, il ne vivait pas longtemps. Attribuez-vous cette espèce de capacité d'intelligence au fait de l'enfantement qui était, semble-t-il, assez particulier? En particulier, disons qu'il y a Bouddha qui a né de la même façon, c'est pas? Il y a Jean le Baptiste qui a été relativement enfanté de la même façon. La nuance, évidemment, c'est que Marie était vierge, comme la mère de Bouddha d'ailleurs. Il n'y avait pas eu de procréation biologique apparemment entre disons, les parents de Bouddha comme les parents du Nazaréen, quoique les deux ne sont pas la réincarnation l'un de l'autre, etc. Alors, je donne des nuances, c'est-à-dire que c'est des choses qui se voient de temps en temps. Saviez-vous qu'un grand complice du savoir instantané aurait été là quelque part au moment de l'enfantement? T'es un rusé, toi. Je me sais. Oui, le grand complice du savoir instantané, c'est-à-dire que l'énergie supramentale, qui porte aussi le nom d'Esprit Saint ou d'Esprit tout court, a la faculté. L'énergie supramentale, qu'est-ce que c'est? Elle est à l'échelle extraterrestre, c'est de l'intelligence instantanée, donc de l'intelligence qui n'est pas tributaire du temps. Ça ne vit pas dans l'avenir, ça ne vit pas dans le passé, ce n'est pas là dans le présent, c'est instantané. Et tellement instantané que le présent n'est pas assez rapide pour le cerner. Ce phénomène espritique, qui présentement d'ailleurs revient, surtout à l'échelle du Québec, mais qui revient quand même sur la planète, d'ailleurs j'ai déjà fait une conférence sur le retour du Christ où on en parlait un peu, ce phénomène, c'est lorsqu'il est dans le contexte du monde, de la Terre, donc dans le contexte de la planète, est la même chose que ce que nous appelons la vie. C'est de l'énergie vitale terrestrifiée, tandis que l'autre est de l'énergie vitale qui n'est pas terrestrifiée, disons, extraterrestre. Alors, effectivement, l'énergie supramentale, l'esprit, a la faculté dans le domaine de la matière de pouvoir gérer une génétique, donc de pouvoir transformer le code mémoriel de la matière. Cela veut dire qu'il a la faculté de transformer le code génétique, donc d'agencer certaines choses pour, par exemple, faire la fécondation d'un ovule, ce qui est extrêmement facile du point de vue de l'esprit. Et évidemment, le code génétique de l'ovule, c'est-à-dire que normalement, on sait très bien que le spermatozoïde va déterminer le sexe, qu'il est aussi une grande partie de l'apport du code génétique de ce que sera le corps physique, donc l'enfant. Et étant donné que Marie étant vierge, son système ovulatoire fonctionnait normalement, évidemment, mais le code spermatozoïdal, c'est-à-dire le code génétique qui a été transmis par l'énergie supramentale, a permis la création fœtale d'un enfant qui aurait une biologie de beaucoup supérieure à la biologie de l'époque, une biologie que l'on peut retrouver aujourd'hui dans plusieurs enfants. Si je comprends bien, Daniel, Vous êtes en train de m'expliquer que, comme on dit dans des grands salons, pour quelqu'un qui pilote les quelques milliards de galaxies que nous avons, il n'y a rien là pour déplacer un spermatozoïde ou le prendre sa place ou que sais-je, n'est-ce pas? Bon, alors parlons maintenant, puisqu'on a parlé de sa naissance, de la manière un peu particulière de sa mère. Là, on a parlé de la naissance du corps. Du corps, bon. Mais c'était pas un Christ. Non, il était. Bon, il y a eu une présence physique. Pas Saint-Psychos, ouais. Il y a eu une présence physique, donc. Oui. D'abord. J'aimerais ça parler de son enfance. Il y en a qui disent que quand Jésus, des mauvaises langues sans doute, là, vous me corrigerez, que quand Jésus se fâchait avec ses petits amis, il faisait branler les arbres puis tomber les cocotiers ou les ananas, je ne sais trop, ou les bananes ou les citrouilles, ça pousse des arbres, ça, madame? Bon. est-ce qu'il y a quelque part dans son enfance un trait de sa vie qui le distingue un petit peu de... des autres hommes? Première chose, il faudrait inclure la botanique dans la théologie, hein, merci. Bon. J'en prends bonne note. C'est une suggestion pour l'école. Bon. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'il était en tant qu'enfant? Est-ce qu'il faisait faire des tremblements de terre pour se venger de ses amis, etc.? Non. Pour la simple raison qu'il n'avait même pas la faculté de se faire pousser les cheveux, il n'avait même pas la faculté de se guérir des caries, il n'avait pas la faculté non plus de marcher sur les os, c'est-à-dire que c'était un enfant normal qui avait un caractère nouveau, c'est-à-dire qui avait chez lui une logistique lui permettant de pouvoir englober sans doute le monde dans lequel il vivait à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, comme le faisait un adulte de 30, 35 ans de l'époque. Maintenant, ce n'était pas, il s'appelait, disons, appelons-le Jésus, disons, pour la convenance pour l'instant, étant donné qu'il faisait partie de la secte des Nazaréens, sauf que lui-même ne le savait pas, parce que Joseph était Nazaréen, Marie était nazaréenne, d'ailleurs comme les parents aussi de Jean le Baptiste étaient nazaréens. Bon, maintenant, le Jésus, lorsqu'il était jeune, était un enfant normal. Il avait une âme en formation comme tous les enfants ont des âmes en formation. Il avait un égo identifié comme les enfants et comme les adultes ont des égos identifiés. Jusqu'au moment donné où le corps a été un faisceau attractif suffisamment puissant, d'ailleurs le plus puissant à l'époque sur la planète, pour pouvoir faire en sorte que l'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, puisse traverser le monde de la mort, le ciel de notre planète, pour aller chercher un corps biologique et commencer à le transformer. On va parler, disons, de l'âge de 10 ans, où ce contact s'est fait pour la première fois chez le Nazaréen. Il sera suffisamment conscientisé vers l'âge de 11-12 ans. Et c'est pourquoi, à un moment donné, dans le temple, lorsque ses parents viennent le voir, ben, il leur répond carrément qu'il est le temps maintenant qu'il s'occupe des choses de son père. C'est encore l'ego de l'enfant qui parle, c'est-à-dire que ce n'est pas le Christ, mais c'est Jésus qui parle, et il parle d'une correspondance spirituelle qui va être conservée au cours des 1000 ans, dont des 1980 quelques années qui vont suivre sa naissance, où on aura toujours le concept du Père qui a créé le Fils. Maintenant, les Nazaréens à cette époque, donc Jésus à cette époque, était un être comme tu es un être, qui, à un moment donné, chez qui, à un moment donné, on a frappé à la porte, et on a suggéré à l'ego du Nazaréen de bien vouloir se taire, s'écraser, parce qu'on avait besoin du corps pour exprimer une intelligence supérieure. Et l'ego du Nazaréen était un ego qui avait été conçu par la logistique de son cerveau, donc un ego suffisamment anégoïque, un ego qui n'était pas trop orgueilleux, mais qui avait quand même, justement, il se chicanait, il y avait quand même une phase égoïque d'identification, mais un ego juste suffisamment faible pour pouvoir accepter, d'ailleurs c'était inconditionnel chez lui, l'écrasement du poids de l'esprit qui venait prendre le dessus. À ce moment donné, le Nazaréen va commencer à dire, « Je ne fais pas ma volonté, je fais celle du Père. » Il ne pouvait plus faire sa volonté de toute façon. Vous parlez de l'accès à une certaine sagesse dès l'âge de 12 ans. On dit que le surnaturel, c'est le naturel, qu'il a probablement vécu comme tous les hommes de son temps, qu'il a eu accès à la culture un peu comme les jeunes aujourd'hui, de son temps. S'il a lu à l'ouverture de sa mission à 30 ans, c'est qu'il a appris à lire et à écrire, n'est-ce pas? Quand vous dites qu'on a frappé à sa porte, par quelle voie, d'après vous, serait présentée cette espèce d'énergie supramentale en connaissant la culture un peu de l'époque? Là, on parle des gens pouvaient lire, les gens pouvaient écrire, etc. Bon, ce n'est pas d'après moi, on parle de choses. Bon, mais selon... Qu'est-ce que vous pourriez en déduire? Là? Bon, comment... si on observe, tout ce qui s'est passé simplement, c'est que le Nazaréen est un enfant. Il a continuellement conscience que la majorité des choses qu'on tente de lui enseigner est quelque chose qui fait partie des mondes d'illusions. C'est-à-dire que les humains, ils découvrent très, très, très rapidement que l'humain vit pour la forme, mais que l'humain ne se sert pas de la forme. L'exemple, par exemple, des prêtres qui priaient sur les coins de trottoir ou ceux qui jeûnaient en se lamentant, en se roulant par terre, ben, ils se rendaient bien compte qu'en fin de compte, c'était juste la forme, le mascara qui était important pour les humains de l'époque. Et on essayait de lui inculquer cela. D'ailleurs, il a été instruit par les écoles esséniennes, par les écoles nazaréennes, évidemment, qui étaient de contenance juive. Et il ne pouvait pas accepter ce genre de choses, ce qui lentement a fait surgir chez lui la possibilité de recevoir de l'intelligence instantanée. Donc, à un moment donné, il observe. Dans le temple, par exemple, on lui pose des questions et il commence à répondre. C'est typique d'un contact avec l'énergie christique, donc de l'intelligence instantanée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas parler. Mais si on lui pose des questions, alors là, il saura répondre. Je n'ai pas toutes les références des écoles qu'il a suivies. De toute façon, on parle plus d'un savoir assez particulier. Vous avez employé le mot instantané. Il y avait une façon de prendre contact avec le réel qui était particulière, différente. Le fait qu'il est ouvert. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les études qu'il a faites ne lui ont servi qu'à se rendre compte qu'elles ne servaient à rien. Lorsqu'il commence à parler, ce n'est pas tributaire de ce qu'il a eu comme étude. Lorsqu'il commence à parler, c'est tributaire d'une instantanéité de communication, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il va dire parce qu'il se fout royalement de préparer un avenir. Lorsqu'à un moment donné, quelqu'un se présente devant lui, il pose une question, il aura toujours la réponse hyper ajustée à la personne. Lorsqu'à un moment donné, on a un chef zélote qui se présente devant lui et qui lui dit qu'il devrait être le roi, effectivement, les Esséniens avaient visé en lui un roi et non pas un messie, un roi. Vous avez parfaitement raison. La façon de savoir était très particulière. Puis il faisait pas. D'ailleurs, c'était nouveau ça. C'était nouveau qu'ils disent quelque part à un moment donné. Tu as quelque chose ici là. C'était nouveau. Tu dis, tu as fouillé là-dedans. Aujourd'hui, tu as coupé ta Bible. Ah ben d'abord, passe-moi ma Bible un peu, Daniel, si tu veux. OK. C'est une image de François d'Assise. Je vais aller à Assise quelquefois. Il est merveilleux, ce personnage. Il était. Alors... Oh, qui disait que tout est présent. Alors, des fois, je coupe un peu ma Bible. Ça m'arrive. Oui, l'autre jour, enfin... Alors, aujourd'hui, moi, j'ai connu quelqu'un qui l'a coupé autrement que toi. Il l'a lancé pas dans les airs, puis il l'a ramassé à terre, à la page ouverte, puis il l'ouvrait. Oui, ça abîmait moins le lit. J'ai pas d'objection. J'ai pris ça en prenant du soleil, vu pour... Colle bien ton micro. Je colle bien mon micro. Alors aujourd'hui, je me demandais si on allait parler d'homme nouveau. Alors j'étais en train de lire un peu l'Évangile et puis ben, j'ai ouvert. Puis curieusement, je suis tombé sur le passage du vieil homme à l'homme nouveau. Alors ce thème-là de l'homme nouveau, du vieil homme est cher à l'Évangile. Alors tout au plus, Daniel, je dois convenir qu'il y a une sorte d'accointance. Ou de hasard structuré entre votre ouverture sur l'homme nouveau et celui de l'Évangile. Quant à la description qu'elle en fait, c'est un peu austère, n'est-ce pas? Bon, faites mourir tout ce qui appartient à la terre, débauche, impureté, passion, désir, wow, cupidité, idolâtrie. En tout cas, c'est très sévère, ces choses-là. C'est des gens qui peuvent lire ça quelque part, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que le ciel ou l'énergie supramentale qu'on sent une magnifique ouverture sur ce thème de l'homme nouveau. Justement, on en parle, je voulais en parler. On va finir avec l'enfance de Jésus. J'aime ça. Tout ce qui est humain, pour moi, est divin. Vous avez parlé d'énergie supramentale qui venait d'un autre monde et traversait un autre monde pour arriver dans notre monde, n'est-ce pas? Il y a pourtant eu un événement qu'on a appelé le baptême de Jésus. Qu'est-ce que ça a apporté de neuf, ça? Bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean le Baptiste a su dès sa jeunesse qu'il était conçu de l'Esprit comme le Nazaréen. Bon, et évidemment, la génétique du Nazaréen était beaucoup plus pur, étant donné que Marie, la mère de Jésus, était vierge, tandis que l'autre ne l'était pas. Le Nazaréen avait donc une consonance biologique plus puissante pour pouvoir recevoir l'énergie christique, ce que Jean le Baptiste n'avait pas. Jean le Baptiste n'avait que la puissance de recevoir cette énergie d'une façon colorée, ce qui l'a amené, évidemment, à essayer de copier la vie du Nazaréen. Il a été dans le désert, comme le Nazaréen devrait aller dans le désert. Il a affronté des forces sataniques, donc les forces d'involution. Il a réussi à ne pas succomber, mais il n'a pas réussi à les maîtriser. Il est revenu par la suite en beau maudit, et il a commencé, parce que Jean le Baptiste avait beaucoup plus d'ego que le Nazaréen, donc il était un homme trop humain, il était trop ancien, même s'il avait le contact avec le plan christique. Lorsqu'il est revenu, c'est un être extrêmement colérique, et il a commencé évidemment à, en termes québécois, à donner de la marge à tout le monde. C'est parce qu'il mangeait pas assez, ça. Ouais, parce qu'ils mangeaient pas assez, mais enfin, les sauterelles, c'est nourrissant, surtout quand tu les manges avant qu'ils aient... J'ai vu bien des gens jeûner, pas tellement fusés que je leur ai dit arrêter, ça n'a pas de sens. Mais probablement, Jean-Baptiste n'était pas comme ça. Non, Jean-Baptiste quand même était relativement bien nourri, quoi qu'il mangeait, ouais, enfin, il y avait beaucoup de sauterelles à l'époque. Bon, alors donc, c'est ça. Bon, okay. Ce genre a commencé à maudire les gens, il a commencé à dire à tout le monde qu'il devait se purifier, et il n'avait pas le choix de préparer le terrain. Pour la simple raison que tout ce qui pouvait être destructeur dans les premiers temps de l'apparition de quelque chose de nouveau, se devait d'être supporté par Jean le Baptiste. Mais lui ne voulait pas. Alors il a, comme je disais tout à l'heure, il a maudit tout ce qui existait. Il n'était pas ajusté. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi on lui a coupé la tête, parce qu'il était juste suffisamment inajusté que lorsque cela aurait été intelligent de ne pas dire la vérité ou la réalité, ben il le disait pareil, de façon à bien accrocher les gens. À un moment donné, il était en train de baptiser. Il se prenait un peu au sérieux. Et lorsque le Nazaréen est apparu, les deux avaient d'ailleurs été à la même école, lorsque le Nazaréen est apparu, ça a été facile pour Jean de dire « c'est lui ». Et il a dit « merde, c'est lui ». Et lorsqu'ils se sont rencontrés, le baptême s'est opéré. Mais il faut bien faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Les premiers évangiles sont apparus plusieurs années après la disparition du Nazaréen. Et il y a beaucoup de choses, évidemment, qui ont été troquées. Alors, ils se sont battus. Évidemment, ils étaient dans l'eau. Alors, ils ont été immergés d'eau. C'est le baptême, n'est-ce pas? Mais ils se sont battus. À peu près comme vous et moi, quand on est allé... Ouais, mais le résultat est similaire un peu. Oh, OK, c'est bon. Ça va. Et lorsque le Nazaréen a réussi à expliquer au Baptiste que lui n'était pas autre chose que le précurseur, alors le Baptiste a fini par comprendre et le Baptiste savait que maintenant, il avait plus sa vie était finie. Il savait qu'il n'avait plus de rôle à jouer. Il a continué quand même, parce que l'orgueil étant ce qu'elle est chez l'homme, il a continué à prêcher un peu, mais évidemment, il a été arrêté par trop d'insolence. Lorsqu'à un moment donné, le Nazaréen demande à ses apôtres, et puis Jean, les apôtres lui répondent, il est mort. Et Jean, le Nazaréen ne s'en fait pas plus. Il continue à marcher, on n'en parle même plus. Parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui préparait le terrain, mais c'était aussi un anti-Nazaréen. Et c'est pourquoi c'était donc intelligent qu'ils disparaissent. Alors, ils se sont rencontrés, il y a eu suffisamment d'étincelles lorsqu'ils se sont rencontrés, même si on n'en parle pas. Et par la suite, on a demandé, le Baptiste d'ailleurs a dit à certains de ses disciples, ben, suivez-le, c'est lui. Oui, mais il n'est pas recommencé non plus. Alors, les autres l'ont suivi, pas tous, évidemment. C'est intéressant parce que quand deux personnages, parce que Jean-Baptiste était un personnage, se rencontrent, il y a certainement une force, je ne dirais pas d'opposition, mais un certain respect ou une espèce d'altérité. Là. Il n'a pas le choix. Je sais qu'en tout cas, à un moment donné, quand quand Baptiste se fait couper le cou, n'est-ce pas, les disciples de Jean-Baptiste vont s'informer pour savoir, mais est-ce que c'est bien celui qu'on doit attendre, Jésus? Alors, ils ne savaient pas trop qu'ils étaient l'un par rapport à l'autre, même s'ils étaient nés de façon particulière. Parce que le Baptiste s'était fait passer pour l'autre. Oui, j'aime ça. Voulez-vous qu'on aille un petit peu plus loin, plus qu'on parle de baptême? Ce qui frappe quand on parle du Nazaréen, de Yeshua, Jésus, c'est le sentiment de cette imminent, de cette force supramentale, comme vous l'appelez, du Saint-Esprit qui est omniprésent. Puis il parle de l'inauguration du royaume des cieux. J'aimerais ça avoir votre point de vue sur cette question-là. Bon, mon point de vue, il est très, très limité. On peut parler de plusieurs points de vue. et on peut parler aussi des choses comme elles sont. Du point de vue de l'homme, le ciel, c'est quelque chose qui fait partie du monde de la mort. Alors, lorsque l'on meurt, on va au ciel. C'est une chose. Du point de vue du Nazaréen, l'immortalité, c'est-à-dire que l'immortalité est une chose qui peut exister, mais l'éternité est autre chose. Il y a donc une nuance entre l'un et l'autre. Le Nazaréen parle du ciel, mon père dans le ciel, et ce n'est pas long qu'il parle aussi des cieux. Sauf que l'humain qui ne comprend pas, l'humain ne peut pas comprendre le même palier vibratoire que ce que va comprendre le Nazaréen, ça va de soi. Sinon, le Nazaréen n'aurait même pas eu de raison. J'imagine que les cieux, c'est les étoiles, etc. Oui, et le ciel est aussi les étoiles, etc. Sauf qu'en fin de compte, c'est ça et ce n'est pas ça. Bon, il y a des paliers énergétiques qu'on ne voit pas. C'est comme en regardant le ciel, on va dire l'atmosphère, c'est ça. Saint-Jean dira au-dedans de vous, n'est-ce pas? En tout cas, continuez. C'est effectivement au-dedans de l'homme parce que c'est partout. Maintenant, une problématique assez intéressante au niveau théologique, c'est que Dieu est partout, Dieu est parfait, l'homme est imparfait. Si Dieu est partout, c'est que Dieu est imparfait, vu que Dieu est dans l'homme et que l'homme est imparfait. Bon. Accepté. C'est un phénomène intéressant. Donc, Dieu est en phase d'évolution, et cette phase d'évolution peut porter le nom d'homme. C'est une chose qui peut être comprise. Et pourquoi Dieu s'intéresse tant à l'homme? C'est parce que c'est une partie même de lui. Et pourquoi l'homme s'intéresse tant à Dieu? C'est que les deux, c'est le même phénomène. C'est un peu comme la main et la tête. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, lorsque le Nazaréen, on va dire souvent que Jésus a ouvert les portes du ciel à l'homme. C'est un fait. Un fait qui est indéniable. Sauf qu'il n'a pas ouvert les portes pour entrer, il a ouvert les portes pour sortir du ciel. Et il a ouvert les portes pour sortir du ciel, et l'accès après le ciel, c'est les cieux. Vous voulez dire pour s'effacer devant la grandeur de l'homme? Non, pour simplement cesser de mourir. J'explique. L'énergie supramentale, c'est quelque chose qui n'est pas rayonné du plan terrestre. Rayonné du plan terrestre, on a la matière même, disons, de notre Terre. On a la vie qui est à l'échelle de notre planète. Hein? On n'y a pas de vie sur les météores. On a l'âme, c'est-à-dire qu'on a notre psychologie, on a l'ego. On a le monde de la mort qui peut être l'âme de la planète, là où vont les morts et là d'où proviennent les âmes. Et on a le plan mental, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs le Nazaréen avec qui a inauguré ce plan mental, un plan qui peut porter le nom québécois actuel d'ajusteur de pensée, et qui fait peut-être référence un peu à la colombe, ou à ce phénomène qui, l'Esprit Saint qui touche à un moment donné l'humain, l'apôtre, sous forme de feu ou de colombe, surtout sous forme de boule de feu, qui peut être un ajusteur de pensée, qui fait en sorte que lorsque l'homme vient pour parler, et lorsqu'il a un ajusteur de pensée relié au plan supramental, lorsqu'il vient pour parler, sa parole est toujours détournée vers quelque chose d'intelligent ou en s'écoutant, il peut apprendre de lui. Vous voulez dire que, quand vous parlez de forme de feu, vous voulez dire que l'Esprit-Saint serait même physique? L'Esprit-Saint, c'est quelque chose qui est sur, disons, supraphotonique, supraatomique, mais qui a la capacité, lorsqu'il devient terrestrifié, d'induire des réactions dans le plan matériel. C'est-à-dire pourquoi il va concevoir le corps du Nazaréen, c'est pourquoi il va concevoir la mutation chez la majorité des personnes qui ont une génétique ou qui ont une conscience d'amélioration ou d'évolution suffisamment avancée pour être capable d'accepter le neuf. Parce que qu'est-ce que c'est que l'évolution? C'est simplement d'accepter le neuf. C'est ça, évoluer. Évoluer, c'est accepter du neuf. Évoluer, ça ne veut pas dire respirer continuellement les mêmes vieilles airs. Ça devient pollué, toxique à un moment donné. Il faut respirer du neuf. Alors, l'être humain évolue comment? Bien, à chaque fois que l'être humain accepte du neuf, que ça vienne de Krishna, que ça vienne de n'importe quoi, quand c'est quelque chose de neuf, qui vient mettre en question ce que tu vis, et tu es capable de dire, ça peut être vrai, tu évolues. Le Nazaréen, lui, lorsqu'il est apparu, il a commencé justement à amener des choses neuves. Et ces choses neuves-là ont massacré la théorie théologique de l'époque. Ça a évidemment fait en sorte qu'à un moment donné, on l'a aussi massacré, le Nazaréen. Parce que lorsqu'un homme nouveau arrive, il est un miroir pour les autres. Alors, ou bien l'humain change, ou bien l'humain détruit le miroir. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus diplomatique, et ceux qui apparaissent sont plus ajustés. Ils ne risquent pas de se faire détruire. Le Nazaréen, lui, lorsqu'il est jeune, le contact supramental ou l'esprit vient chez lui. À 12 ans, il y a un consensus entre les deux qui fait en sorte que son ego, son âme, ne sera pas détruit au bénéfice de l'esprit qui a besoin du corps, mais que cette âme sera reléguée au fin fond de la mémoire corporelle du Nazaréen. Et lorsque l'esprit peut maintenant muter le corps, le Nazaréen devient autre chose. Lorsqu'il ouvre les portes, premièrement, du ciel, lorsqu'il sauve l'humanité, il sauve son humanité à lui, mais le reste devra être sauvé par les apôtres, parce qu'à l'époque, il y avait 13 faisceaux. Prenons l'exemple de l'esprit. qui descend sur le plan terrestre et qui, à un moment donné, est trop puissant pour être supporté par l'intégrité humaine de l'époque. Alors, ce faisceau se divise. Se divise en 13 faisceaux. 12 apôtres, le Nazaréen. Et lui va ramasser un disciple de chacun de ses faisceaux et il va les envoyer par la suite parler à des peuples différents parce que ces peuples sont frères et sœurs en esprit d'un faisceau. C'est sûr qu'à un moment donné, vers la fin de... C'est pas vers la fin des temps. C'est sûr qu'il y aura la fin des temps. La fin des temps, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque, je dis souvent, que le... D'ailleurs, il y a une conférence qui vient prochainement là-dessus. C'est que le rôle de l'homme est de mettre fin à l'évolution expansive de l'univers. Lorsque l'univers va finir par se résorber, le temps va cesser d'exister. Il n'y aura plus de temps. Alors là, il n'y a pas d'immortalité, mais il y a de l'éternité, c'est-à-dire que sans temps, il n'y a pas de début ni de fin. La fin des temps, ce n'est pas la fin du cycle dans lequel on est. Ça, c'est une farce, c'est le début, on commence à peine, ça fait juste quelques millions d'années qu'on est ici. Bon, on commence à peine à s'amuser. On a souffert, on a découvert des jeux, on s'est fait attraper par ces cochons-là. Mais là, on va commencer à jouer prochainement. Le Nazaréen, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que son corps physique, l'esprit descendant, a percé dans le ciel un canal qui a fait en sorte qu'à l'échelle de la planète, une nouvelle expérience était maintenant mémorisée dans le monde de la mort, dans la mémoire ou dans le ciel. Et cette nouvelle expérience était que l'Esprit Saint existait et qu'il pouvait entrer en contact avec de l'homme. Sauf que les humains biologiques de l'époque n'étaient pas suffisamment évolués. Alors, lorsqu'il a ramassé ses apôtres, il a ramassé des types qui avaient une consonance, disons, espritique particulière. Il a pris n'importe qui, mais bien choisi. Et au contact du Nazaréen, la vibration rayonnante du Nazaréen, c'est de l'esprit, a muté les corps des autres. Ce qui fait que de pauvres mecs qui ne peuvent pas trop comprendre, ben, lentement, on arrive à pouvoir faire en sorte qu'un apôtre arrive soudainement à saisir des choses et à comprendre des choses. Nous continuons. Lorsque ce Nazaréen vit avec des humains, il n'a pas le choix, son rayonnement transforme les corps. La première apparition de la transformation des corps par un rayonnement supramental ou espritique, c'est la guérison. C'est-à-dire qu'on restaure la mémoire vitale d'un corps physique, donc la molécule atomique n'a pas le choix de suivre, alors il y a guérison. Parlons-en de guérison. Et le fait que ça ne se poursuive pas, la guérison, est-ce que ça pourrait vouloir dire que ce n'est pas déjà réellement commencé, cette histoire de royaume des cieux-là? Bon, je finis juste avec ce que je dis là et on amène ce que tu veux amener. Le fait qu'il y ait le premier palier d'expression va être... Bon, disons que le premier palier, c'est la parole. Le Nazaréen parlait déjà. Le deuxième palier va être la guérison. Guérison qu'il pourra lui-même décider, et à un moment donné, guérison qu'il n'aura pas le choix d'accepter. Parce que les gens n'auront qu'à le côtoyer pour se transformer. Troisième palier, c'est que la guérison, elle est faite. Il y aura maintenant une mutation corporelle des individus qui l'entourent. Cela veut dire que d'une personne qui ne comprend rien... on peut prendre l'exemple de Philippe, on peut prendre l'exemple de Matthieu, par exemple, mais Matthieu, qui ne comprend rien, mais qui, à un moment donné, par la présence de ce Nazaréen, et ce n'est pas un chariste comme nous le connaissons aujourd'hui, c'est autre chose. Alors, on a peur du Nazaréen. Ce n'est pas un charisme où on tombe en amour avec. Le Nazaréen n'était pas... Pour rien, était un être humain qui se promenait dans un village, il était seul. Lorsqu'il commence à parler, les gens venaient. Par la parole, il les attirait. Donc, le troisième palier va être la mutation de ceux qui l'entourent, permettant à ces personnes d'avoir accès par rayonnement, à de l'intelligence supramentale, même si eux ne peuvent pas ajuster ce contact. Qui va ajuster le contact de l'esprit pour les apôtres, les 12 principaux et les 63 secondaires? Mais ça va être le Nazaréen qui devient une antenne publique ou une antenne collective d'énergie supramentale ou d'esprit. Lorsque le Nazaréen devient, lorsque son corps est suffisamment muté pour pouvoir supporter totalement le contact avec lui-même, donc avec l'esprit, il parle évidemment du ciel, il ouvre les portes, c'est-à-dire qu'évidemment, maintenant ceux qui meurent vont dans le monde de la mort, et à partir de son passage, ceux qui meurent ont la possibilité, s'ils ont un contact avec leur esprit, de pouvoir transcender le monde de la mort pour aller dans les cieux. Et là, on parle d'un royaume. Le royaume, évidemment, fait référence aux mots que l'homme connaissait à l'époque, pour pouvoir parler de quelque chose de grand. Le royaume, c'était grand, donc le royaume dans les yeux, c'était convenable. Oui, les mots comme univers, comme etc., ça n'existait pas à l'époque. Lorsque le Nazaréen va commencer à guérir, il a un rayonnement. Les apôtres pourront guérir au nom du Christ, c'est-à-dire que les apôtres pourront venir. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'être humain avait suffisamment d'égo à l'époque, que c'était mauditement vital que l'humain sache que c'était au nom de quelque chose d'autre qu'il se passait quelque chose pour ne pas que leur égo se prenne suffisamment au sérieux pour finir par penser que c'était eux qui le faisaient. Même le Nazaréen égoïque, disons Jésus, qui était extrêmement écrasé dans le fin fond du corps, lui-même, lorsqu'il parlait dans le début, disait que c'était au nom du Père. Mais à la fin, c'est lui qui faisait. Et c'est pourquoi à la fin, lorsqu'on lui demande qui il est, il dit « Je suis ». Et un peu avant, il avait répondu « Je suis le Fils de Dieu, le Fils unique ». Alors donc, ces apôtres, c'est le même phénomène. Les apôtres doivent absolument savoir que, vu qu'ils ont beaucoup d'égo, mais que par contact avec le Nazaréen, ils vont exprimer des choses qui n'est pas tributaire de l'âme ni de l'égo, mais qui est tributaire de l'esprit. Donc, ils doivent dire, pour ne pas se prendre au sérieux, que ce n'est pas eux qui le font. Et ils doivent donc instruire l'humanité de faire attention à ceci et de continuer à guérir au nom du Père, ou de guérir au nom du Fils, ou de guérir au nom du Saint-Esprit. Et le nom, qu'est-ce que c'est? Ben, le nom, c'est la forme vibratoire qui peut paramétrer, englober, envelopper une énergie. Le nom, c'est un verbe. C'est une source de référence. Oui, une source de référence qui est aussi vibratoire. Il faut le prononcer. Tu ne peux pas guérir dans ta tête au nom de dans ta tête. Ça doit être parlé. Tu ne peux pas, dans ta tête, dire « je guéris machin chouette » au nom de machin chouette. Ça doit être parlé. Ceux qui ne sont pas, mettons, catholiques, là, qui vivent de l'amour, n'est-ce pas, est-ce qu'ils ne pourraient pas s'en nommer Jésus-Christ, manifester Jésus-Christ par l'amour ou par les guérisons? Ça ne s'est pas vu dans des religions ambiantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion catholique n'est pas un toit suffisamment grand pour contenir la réalité. Enfin, ça veut dire universel, de toute façon, en tout cas. Oui, mais ça ne l'est pas. Bon, c'est universellement, disons. Jusqu'à Daniel Kahn, entendons-nous. Ça n'est pas suffisamment grand pour contenir la réalité de la religion catholique. Alors, les religions humaines sont trop petites parce qu'elles sont restreintes par la coloration émotive de leur théologie intuitive. C'est-à-dire qu'ils espèrent tellement des choses qu'à un moment donné, même si la réalité est tout autre, ils continuent à espérer. Nous appelons ça des anthropomorphes, sont prêts à Dieu les visages que les civilisations suggèrent. On parlait de croix et de poignets, de croix et d'épées au 15e siècle pour faire sentir Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, on parle du 12e, de Gaulle, en tout cas. Ben, c'est ça. Plus l'homme évolue, plus Dieu évolue. Bon, dans l'expression que j'en pense. C'est un respect mutuel, finalement. Ben, on n'a pas le choix. Justement, c'est ça, l'intelligence, c'est juste. Très intéressant. Ben oui. Là, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que notre Nazaréen, à cette époque, va vivre son cheminement sur la vie. Il va être capable de marcher, il va être capable de parler, il va être capable d'aimer, mais d'un amour intelligent, donc un amour qui ne souffre pas. Et vu que ça ne souffre pas son amour, ça va être le premier qui va être capable de venir dire, ben, il faut que tu aimes tes ennemis. Ben là, aimer ses ennemis, c'est un ennemi, c'est par définition quelqu'un que t'haïs. Alors, ça, Barabbas, d'ailleurs, s'est fait avoir par ce phénomène. Parce que c'est le premier qui s'est fait dire qu'il devrait aimer ses ennemis. Lorsque l'on parle d'amour intelligent, on parle d'un amour qui ne peut pas se permettre d'être sélectif. C'est le premier ennemi qui a été aussi autant aimé. Ben oui, évidemment. Alors donc, on parle d'amour intelligent, et lorsque le Nazaréen a commencé à émettre cette énergie d'amour intelligent, il a commencé à se faire des ennemis. Bon. Lorsqu'on veut comprendre le phénomène de la guérison, il faut comprendre premièrement que le corps physique est de la matière. Cette matière est révélée par la vie, c'est-à-dire que cette matière est révélée par l'orchestration intra-atomique des atomes qui va finir par constituer des liens ioniques, des liens, mettons, à un moment donné, moléculaires, des liens covalents, etc., pour pouvoir engendrer un corps physique qui conservera une mémoire. Parce que sinon, le corps se transformerait, tu manges une pomme, la pomme sort de l'eau, etc. Alors là, le corps conserve sa mémoire, mais cette mémoire sera altérée par le têtage d'énergie que fera l'ego, l'identification de l'homme dans l'âme. J'ai dit souvent que l'âme, ça n'évoluait pas. Et c'est pourquoi, depuis que le Nazaréen est passé sur la planète, l'homme n'a pas changé dans le fond de son cœur, parce qu'effectivement, émotivement, l'homme ne peut pas changer l'homme. L'homme change par la compréhension des choses, mais pas par l'expression émotive de sa compréhension. Le Nazaréen, lui, a parlé de l'amour, il a dit d'aimer les autres comme eux s'aimaient eux-mêmes. Mais il savait très bien que l'homme ne s'aimait pas. L'homme a toujours été en compétition, l'homme a toujours été d'une façon jaloux, alors il parlait surtout pour lui. Il y a beaucoup de choses que Nazaréen a amenées qui ne s'adressaient pas à l'humanité, mais qui s'adressaient à lui. C'est-à-dire qu'il s'aimait pas. Jean Guittin dit que la recherche de l'amour, c'est une image de nous, quelque part brisée, qui recherche dans la conscience de l'autre, qui nous idéalise, une nouvelle image de soi. Au fond, l'homme, il s'aimait pas parce qu'il avait été brisé quelque part par des incompréhensions. Mais il s'aimait pas. L'homme ne peut pas s'aimer pour la simple raison que l'homme, c'est de l'âme. Dans l'âme, il y a l'ego. Dans l'ego, il y a d'identification, et lui doit se projeter quelque part pour voir le retour vers lui, pour pouvoir dire « j'aime ce que j'exprime, donc je m'aime ». Maintenant, je ne peux pas m'aimer convenablement pour la simple raison que je sais dans le fin fond de moi-même que tout ce que je suis, c'est rien. C'est un leurre, un phénomène illusoire, parce qu'il y a quelque chose de supérieur qui est l'esprit, qui est aussi ce qui m'a constitué, mais qui en même temps, moi, mais sur un degré d'intelligence différent. On parle donc de l'âme au niveau des plans astraux, et on parle de l'intelligence instantanée au niveau des plans supramentaux. Comment un homme peut-il s'aimer? L'être humain peut s'aimer, il peut aimer sa personnalité. Mais il ne peut pas aimer ce qui réellement le constitue. Parce que dans la constitution de son âme, il y a des mémoires ancestrales, il y a de la haine, de la guerre, il y a de la jalousie, il y a du désir, il y a de l'émotion tarie, il y a de l'émotion non exprimée, il y a des désirs d'émotion qu'il n'a pas vécu. Une image brisée. Ben, c'est ce qu'on appelle l'image brisée, c'est-à-dire que c'est toute une partie... Bon, l'image brisée, c'est intéressant. Est-ce toi? J'en profite pour bien m'installer. L'image brisée, c'est intéressant pour la simple raison que lorsque l'ego est constitué, lorsque l'âme apparaît dans un corps physique, elle provient du ciel et elle provient d'une réincarnation pluralitaire, c'est-à-dire que c'est une panoplie de mémoires d'individus qui viennent se fusionner par un processus d'incarnation ou de réincarnation dans un corps ovulo-spermatozoïdal. Donc, ce n'est pas encore fœtal, mais c'est en train, c'est fécondé. Alors, on parle d'image brisée. Ben oui, pour la simple raison que c'est une panoplie de choses qui doivent être fusionnées à l'adolescence, mais qui souvent ne le sont pas. S'il y a des parties qui sont fusionnées, c'est là que l'adolescent devient un peu lui-même, mais ce n'est pas suffisamment fusionné. Lorsque l'humain essaie de s'aimer là-dedans, ben, il découvre toujours que c'est extrêmement limité ce qu'il est par rapport à ce qu'il perçoit qu'il peut être ou qu'il est réellement, mais qu'il ne peut pas exprimer. Lorsque Nazaréen, son nom de Nazaréen, est-ce que tu t'aimes? Franchement, c'est une question tout à fait imbécile à poser. Parce que l'amour intelligent n'exclut pas. Donc, on ne peut pas rechercher une image, etc. Lorsque l'on parle de l'amour, lorsque on parle de l'amour à partir du principe du Nazaréen, on parle d'un amour sélectif, d'un amour psychologique. Tous ceux qui en ont parlé sont à peu près jamais réussi à le vivre. Pour la fin de raison qu'il parlait d'un amour supramental ou esthétique, et il essayait de le vivre au niveau de l'émotion. L'amour intelligent, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas vécu du point de vue de l'émotion. Alors, le Nazaréen n'était pas en extase devant des choses, comme il ne pouvait donc pas être haineux devant d'autres choses. Ce n'était pas une question d'émotion. Il pouvait aussi bêtement répondre à quelqu'un qui lui disait « Tu vas venir nous aider à libérer, par exemple, la Judée des Romains? » Il répondait simplement, bêtement, « Oui, je peux t'aider. » Alors, l'autre lui demande « Alors, comment? » Ben, c'est simple. Commence par aimer tes ennemis comme toi-même. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est de l'amour intelligent. Il n'y avait pas de « tu devrais ». Puis là, il y allait. Là, il n'y avait pas besoin de ce charisme. Parce qu'il avait un autre charisme, d'ailleurs, qui était un peu traumatisant pour les autorités en place. Alors, ce Nazaréen qui a toujours écrasé Jésus, l'enfant, vit en tant qu'adulte, et il doit finaliser son expérience évolutive à l'échelle de la planète, ce qui va l'obliger à enseigner, c'est-à-dire ce qui va l'obliger par la parole à instruire ce qui l'habite encore, Jésus, l'enfant, l'ego. Alors, il va façonner l'ego et il va façonner un chemin pour cet ego, pour que l'ego finisse par être transmué en énergie supramentale ou en esprit, pour que l'âme devienne de l'esprit, donc pour que l'ego cesse d'exister. Tu ne peux pas être un homme en étant Dieu. Tu es l'homme ou tu es l'autre, parce que tu es l'homme par rapport à Dieu. Tu es l'homme parce que tu n'es pas Dieu. Lorsque ce petit phénomène d'ego est presque transmué, là, la fonction du Nazaréen n'a presque plus de raison d'être. Tout l'enseignement du Nazaréen peut s'adresser devant l'humain, mais il a parlé pour lui, il n'a pas parlé pour les autres. C'est pourquoi il pouvait se permettre de parler en parabole, c'est pourquoi il pouvait se permettre de répondre des réponses qui n'avaient aucun sens. Maître, je veux te suivre. C'est parfait, prends tout ce que tu as, vends-le, donne tout ça aux autres, après ça tu viendras. Mais c'est une réponse que veut dire, c'est évident qu'un gars de sa classe savait que l'autre s'en irait broyer. Il ne pourrait jamais le faire. Mais c'était une réponse pour finaliser des choses chez lui. Lorsque le Nazaréen, pourquoi le Nazaréen meurt-il sur la croix? Ça, c'est une bonne question. Très bonne question, je la pose. C'est ce que je veux dire, pose-la. Quel est le sens de sa mort, finalement? Vous avez dit tantôt, j'ai aimé ça, vous avez dit. J'ai aimé ça de façon particulière, là, entendons-nous. Vous avez dit, il a sauvé le monde, puis il avait besoin des apôtres pour continuer à sauver le monde, alors. Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, nous autres? Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Si on veut parler du sens de sa mort. Oui. Il n'est pas mort pour nous. C'est ridicule de mourir comme ça. des individus que tu ne connaîtras jamais. Sa mort n'a pas ouvert le monde du ciel. Par contre, par sa crucifixion, le corps physique est mort. Ce n'était pas nécessaire d'être crucifié. Par contre, étant crucifié, il créait une forme particulière pouvant permettre la gestion d'une religion par la suite, soutenue par Pierre et soutenue par Lazare. Bon. Lorsque le Nazaréen meurt, c'est essentiel qu'il meure d'une façon un peu violente, de façon à ce que l'ego, la petite partie d'ego qui reste, qui pourrait empêcher ce corps christique de retraverser le monde de la mort avec ce qu'il a accompli, sans être altéré par le monde de la mort. C'est-à-dire que s'il reste un petit peu d'ego dans ce phénomène, il risque fortement de pénétrer le monde de la mort et d'y rester. L'homme, le Nazaréen, doit donc mourir, pénétrer le monde de la mort avec cette partie de l'ego et la laisser dans le monde de la mort pour s'en débarrasser. Lorsque le Nazaréen meurt, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que tout va bien, on l'amène, et à un moment donné, il commence à avoir peur. Il tremble, il transpire, il ne veut pas. C'est l'ego qui, placé devant le phénomène, l'ultimatum de la vie, la mort, l'ego commence à reprendre le dessus. Et ça, c'est l'enfant écrasé. Lorsque l'ego reprend le dessus, c'est essentiel que cela se fasse pour libérer l'ego de l'emprise du Nazaréen, c'est-à-dire donc du Christ, du corps christique, de l'esprit. Il meurt sur la croix et à un moment donné, il redevient suffisamment lucide que la seule chose qui sort par la bouche, c'est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et ce n'est pas le Nazaréen qui pose la question. C'est l'ego qui pose la question au Nazaréen qui est maintenant sorti. Là, il n'y a plus de père. Là, c'est un homme qui est sur la croix. L'ego savait aussi que c'était tiré du psaume 22. C'est un gars qui lisait l'ego. L'ego savait pas ça. La mémoire le savait, en tout cas. La programmation. Oui, c'est ça. Oui. Alors, le psaume finit bien. Les psaumes commencent toujours très mal. T'sais. Ah, ça va mal, j'ai un paquet d'ennuis, patati patata. Puis finalement, Yahvé fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y en a qui ont dit que ce qu'il aurait annoncé ou commencé comme psaume, ça peut se rattacher aussi à la fin du psaume. Oui. Maintenant, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que l'esprit dans le Nazaréen s'en va dire à des humains à un moment donné que vous détruirez le temple et en 3 jours, vous le rebâtirez. Il n'a pas dit « vous me détruirez, vous détruirez le temps. Donc, vous détruirez une forme qui n'est pas moi. Bon, et en 3 jours, moi, je la rebâtirai. » En tout cas, lorsqu'il est sur la croix, l'ego revient. Lorsque l'ego revient, Nazaréen est parti. Le corps meurt, l'ego va de le bas dans le monde de la mort. De toute façon, la semaine prochaine, on va aborder ce que le Christ n'a pas dit. Et c'est encore toi qui vas m'interviewer. Comment encore? Ça pourrait être ton ego. Et on va donc s'amuser intéressamment. Qu'est-ce qui est arrivé de ce petit ego de l'enfant qui est présentement dans le monde de la mort? Il y aura un vécu réincarnatif à un moment donné. Donc, il est encore à l'échelle de notre planète. C'est la seule consistance nazarienne qui reste à l'échelle du monde de la mort de notre planète et qui est présentement réincarné. On va parler la semaine prochaine. Maintenant, tout le reste nazarien au complet quitte. L'ego va dans le monde de la mort, le corps meurt. Le corps, on le détache, on le met dans un tombeau. Le Nazaréen revient, c'est-à-dire, là, je ne parle pas donc de cet égo, je ne parle pas de Jésus, je parle du Christ. Hein? Et Jésus-Christ, c'est les deux ensemble. C'est important. Le Nazaréen revient, et c'est un corps d'esprit, un corps éthérique, un corps supramental, qui va digérer, c'est-à-dire qui va démolir, ou qui va supramentaliser, ou espritiser le corps physique du Nazaréen en quelques 3 heures. Donc, évidemment, lorsqu'on ouvre le tombeau, on ne trouve plus rien, mais c'est normal. Il n'est pas parti que c'est avec son corps. Et le corps qui, par la suite, se présente est un corps de lumière. Tu sais que les empreintes dans le corps de lumière, là, ça, c'est un bidon. C'est-à-dire que c'est arrivé, les apôtres ne veulent rien savoir. Alors, évidemment, faire des empreintes ou pas en faire, c'est facile. Mais dans un corps éthérique, il n'y a pas de cicatrice de la vie passée, ça va de soi. Ben, s'il y avait un bouton sur la peau quelque part, ben, il n'a pas ce corps éthérique. Bon. Alors, le Nazaréen, qu'est-ce qu'il faisait en mourant? À quoi servait son enseignement et pourquoi il a dû mourir? Pourquoi il a dû mourir comme ça, on l'a vu déjà un peu? C'est pour permettre à l'ego de l'enfant Jésus de pouvoir retrouver le plan du monde de la mort. Mais il garde l'expérience du Nazaréen. Donc, cet ego est un ego christique, c'est-à-dire un ego supramental, un ego qui a, et c'est le seul ego, qui a réellement la connaissance de la vibration, de ce que c'est que l'intelligence instantanée et de ce que c'est que l'esprit. Une fois que vous employez ça, christique, et puis Jésus-Christ, Christ, là, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est important de comprendre qu'à l'époque du Nazaréen, il y a seulement un bonhomme qui l'a appelé Christ. Et ce bonhomme-là s'est fait punir, il a été condamné à... C'était Pierre. Puis le Nazaréen lui a dit que parce que tu m'appelles Christ, c'est que, et ça, tu ne pouvais pas le savoir. C'est donc mon père qui te l'a dit, l'énergie christique. Donc, c'est un savoir instantané, parce que comment peux-tu savoir? Et pour le punir, il lui a dit, bien, assure-toi, je vais bâtir mon église. Alors, Pierre a supporté le poids de l'église catholique romaine jusqu'à aujourd'hui. Voulez-vous donc dire que, quand vous dites tantôt que c'était pas vraiment son égo, là, quand il est mort, c'est, son égo n'est pas mort. Vous voulez dire qu'il y a une espèce de retour vers l'égo originel? Non. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on a le monde de la mort d'où proviennent les âmes, et on a le monde de l'esprit, le monde extraterrestre, c'est-à-dire qu'il faut faire attention avec l'extraterrestre. On ne parle pas de petites bébites à poils vertes et des antennes qui se promènent dans des vaisseaux métal et qui viennent atterrir. Ça, c'est des choses qui sont, disons, intéressantes. Mais lorsque je parle d'un phénomène extraterrestre, je parle des territoires au-delà du monde de notre planète. Donc, évidemment, si on parle de Dieu, c'est automatiquement extraterrestre. Ce n'est pas, même s'il rayonne sur le plan de notre planète, l'intelligence n'est pas sur une planète de notre planète pour l'instant. Elle le sera quand l'homme pourra la supporter, mais elle est à l'extérieur de ce phénomène. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a le monde de la mort, c'est-à-dire que lorsque l'humain est créé, il y a l'esclave, belle lurette, et même un peu plus loin, lorsque l'humain a été créé, on peut constater que l'humain, à un moment donné, se voit donner une âme. Cette âme, elle l'assujettit au monde de la mort, et elle l'assujettit aussi à la mémorisation. Donc, l'homme commence à discerner le bien du mal après avoir fait, jamais avant. Parce qu'il pourra discerner avec sa mémoire, vu qu'il n'a pas le savoir instantané, il ne sait pas avant de poser un acte, sauf s'il l'a appris, mais un acte neuf, il ne sait pas avant de poser un acte, c'est bien ou mal, parce qu'il n'a pas le savoir instantané. Lorsque l'humain est mort, il regagne le monde de la mort, le ciel, et là, il va vivre une partie purgatorielle où il y aura une digestion, disons, lente, de tout ce qui a constitué son âme. Plus son âme est lourde, c'est-à-dire plus sa vibration est basse, plus elle reste longtemps dans les bas-fonds purgatoriels, presque infernaux. Sauf que l'esprit, lui, reste, l'esprit se libère de ce corps et l'esprit reste libre dans un monde qui peut porter le nom de Plamoron Ciel. Il est enveloppé d'un corps séraphique, un séraphin, et il ne va pas dans les cieux parce que le monde de la mort l'empêche de traverser. Lorsque le Nazaréen traverse, pour la première fois, il crée un canal qui pourra servir à certains individus pour pouvoir gagner le plan des cieux, où ils créeront ce que j'appelle le dôme éthérique, qui sera le corps éthérique du Nazaréen lorsque celui-ci se présente devant les apôtres. Bon. Lorsque l'homme meurt, son âme va dans le Plamoron Ciel, et on peut réanimer la personne jusqu'à ce niveau. Lorsqu'elle gagne le monde de la mort, il est dissout dans le monde de la mort, et c'est pourquoi la religion, j'allais dire ta religion, c'est pourquoi la religion va dire et va enseigner avec raison que dans le monde de la mort ou dans le ciel, tu retrouves ceux avec qui tu as vécu et ceux que tu as aimés pour l'éternité. C'est évident, il y a une fusion et l'individu est fusionné dans plusieurs individus. C'est-à-dire quelque chose qui fait partie du plan amique. Lorsqu'il y a réincarnation, c'est quelque chose de ce genre qui revient sur le plan terrestre. On crée donc une nouvelle âme. C'est-à-dire que tu ne peux pas te rappeler parce que tu n'as pas été intégralement ce que tu es présentement dans le passé. On parle encore de l'image brisée. Bon, c'est différentes personnalités réincarnatives. Le Nazaréen, lui, est prend possession d'un corps qui a de l'ego et qui provient lui aussi d'une structure réincarnative. Et c'est pourquoi d'ailleurs on va lui poser la question à un moment donné, et qui es-tu? Es-tu Élie? Es-tu un tel? Es-tu un autre? Oui, es-tu la réincarnation d'un tel ou d'un autre? Dans la partie amique de la réincarnation du Nazaréen, il y avait des mémoires de David, le roi. Alors évidemment, cela a été perçu par les plus intimes du Nazaréen, et c'est pourquoi on a voulu faire une généalogie partant du roi David pour redonner roi avec le Nazaréen. Mais on sait que de deux généalogies qu'on a dans l'Évangile, les deux sont tout à fait différentes, preuve qu'on les a constituées selon... Pour les besoins littéraires. Ben, pour les besoins littéraires, sans bien ça. On voulait convaincre, par exemple, chez Luc, qui s'adressait à des Grecs, que la généalogie, ceux qui avaient précédé Jésus, étaient particulièrement pécheurs. Puis la généalogie de Luc est très drôle, parce qu'il y a des filles avec qui... Bon, passons. Vous voyez, les intentions de ceux qui écrivent le rappel des paroles du Christ sont très humaines, correspondent à la réalité, n'est-ce pas? Ils échappent pas à la réalité, mais ils intègrent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, et puis ils répondent vraiment aux besoins de l'époque. Ça explique les deux généalogies en partie. Effectivement. Ce phénomène, donc, le Nazaréen, il a de l'ego. Cet ego va être écrasé. On pourra en faire une troisième généalogie ce soir, si ça vous intéresse. Oui, mais ce n'est pas utile. Okay. On pourra en faire une esthétiquement parlant. C'est pas mal plus intéressant. Ça ne verra rien pareil. Bon. L'esprit écrase l'ego. Et lorsque l'ego est écrasé, il y a une espèce de... On demande à Jésus, donc à l'enfant, s'il accepte d'être temporalisé, c'est-à-dire s'il accepte de laisser son corps, tout en restant dedans, à quelque chose de christique, L'énergie christique, c'est l'énergie supramentale. Lorsqu'elle rentre dans un homme, l'homme devient Christ. Bon. Aujourd'hui, tout est mélangé. Je l'ai déjà dit souvent. Lorsqu'une personne est fine, on parle d'un bon yarb. Puis lorsqu'elle est mauvaise, on parle d'un maudit Christ. D'un Christ de. Christ de gentilhomme. C'est ça, donc, l'homme ça, aime bien mélanger les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'esprit est dans le corps, c'est un Christ. Donc, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il meurt, cet égo ici doit retourner dans le monde de la mort parce qu'il n'a pas la vibration nécessaire pour pouvoir partir et sortir du monde de la mort, du ciel, pour gagner les cieux. Alors, il regagne le monde de la mort pour se réincarner plus tard dans un temps particulier où il pourra recommencer par l'expérience initiatique qu'il a eue avec le contact de l'esprit du Christ, donc du Nazaréen, où il pourra continuer à faire un travail intéressant, où à un moment donné, il pourra aussi être quelque chose qui pourra rappeler aux gens à un moment donné, ou qui pourra diffuser suffisamment d'énergie à l'échelle de notre planète pour qu'on parle à un moment donné de l'intelligence du Christ. J'avoue que la théologie a la difficulté sur ces questions. Le corps était éthérique, on s'est demandé par exemple où était allé le poisson, qui fait partie de notre monde, que le Christ a mangé. Il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Il y a simplement les expériences mystiques. Il y a Saint-Jean d'Acroix qui a parlé des sens internes, des sens externes. Est-ce qu'on peut s'entendre sur les choses d'ailleurs comme une sorte de lieu par où nos libertés intellectuelles peuvent les servir, les nommer, selon ce qu'on pense, selon notre savoir instantané, en autant qu'il y a de l'amour? Bon, la question est trop diffuse. Je veux dire, la théologie, elle est diffuse parce que la théologie ne s'est pas posée cette question-là. On n'est pas équipé pour ça. Juste Saint-Jean de la Croix, qui était un mystique, qui apparemment priait, puis montait avec Sainte-Thérèse dans les airs, et disait « Bon, Seigneur, redescends-nous parce que les sœurs vont jaser. » C'est pour ça qu'on a inventé la cigarette. Donc, pour terrestrifier les gens. Pourquoi pas? Quand le corps monte trop haut, le corps se défait. Et souvent, on a eu des mystiques qui sont devenus fous. On a eu des mystiques qui ne pouvaient plus descendre. Alors, ils ne pouvaient plus descendre, ils ne pouvaient plus ajuster l'intelligence qu'ils allaient chercher à la réalité vivante des humains. Ces questions-là sont captivantes. Il n'y a pas beaucoup. Il y a quelques mystiques fort intéressants, mais ils n'ont pas un langage traditionnel. Peut-être être moins mystique aussi. Non, je ne suis pas mystique. Bon. Peut-être. Parce que la seule chose sur laquelle on s'entend sur cette question-là, entre théologie et tout le mystique est celui qui se connecte sans savoir ce qu'il fait. Je ne suis pas mystique. Oui, mais je me souviens un jour que vous aviez dit qu'on reçoit nos titres des autres. Oui, mais je ne suis pas mystique. Ni un mystique. Alors, si je le suis, vous en êtes probablement. Oh, ça peut être amusé. Si on est rentré dans les choses sérieuses. Ouais, ben, okay. Effectivement, il faut dire les choses sérieusement, au sérieux. Qu'est-ce que vous avez à donner comme discours là, sur le corps après la mort? Puis qu'est-ce que le Christ dit là-dessus? Bon, ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que Jésus, donc l'enfant, est toujours vivant. Il ne renaît pas tous les 25 de décembre, parce qu'il s'en fait un mot petit paquet depuis le début, c'est très mal bien. Mais effectivement, il est présentement présent. Bon, allez, sur la planète Terre. Il y a évidemment par correspondance avec cet ego qui, à l'époque, a pu être initié à l'énergie espritique ou l'énergie supramentale, il y a évidemment correspondance entre cette énergie présentement et l'énergie mémoriellement christique et cet ego qui est présentement revenu sur le plan de notre planète. On parle du retour du Christ, évidemment, on parle donc du retour de l'énergie supplémentaire, ce qui se fait présentement dans la tête de bien des gens. Mais on parle aussi du retour du Nazaréen, qui aussi, mémoriellement, ce n'est pas le Nazaréen qu'on a connu à l'époque, mais c'est l'ego, c'est-à-dire l'enfant, qui, à un moment donné, a pu vivre pendant près de 20 quelques années avec un esprit à l'intérieur de lui comme père. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre au niveau de la mort, c'est que l'être humain va mourir régulièrement. L'être humain meurt. L'être humain va dans le monde de la mort. Dans ce monde de la mort, ils se fusionnent entre eux. Ils reviennent à l'échelle de notre planète. Et ils ne doivent faire une seule chose, c'est que présentement, l'esprit qui est exprimé à l'échelle de notre planète est pluralisé dans des millions d'êtres humains, dans 4,8 milliards, presque 900 millions pour arrondir d'humains présentement. Et le monde de la mort, le ciel, est suffisamment grandiose encore qu'on pourrait réincarner ou créer encore des millions d'êtres humains, même des milliards d'êtres humains. Ce qui va arriver, c'est que dans la fin des temps, de toute façon, on va passer à la période de questions d'ici peu, et la semaine prochaine, on va parler de ce que le Christ n'a pas dit concernant son retour. Bon. Et ce qu'il faut comprendre présentement, c'est que les êtres humains qui sont sur notre planète, il y en a beaucoup, évidemment, qui doivent mourir dans des guerres, dans des famines, dans des catastrophes, pour la simple raison que vivant la même expérience amique, dans le monde de la mort, ils se fusionnent et reviennent dans un être humain, ce qui solutionne différents problèmes. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus l'être humain va s'en aller vers une guerre ou vers une expérience planétaire similaire, ce n'est pas nécessairement une guerre, mais disons que la guerre est le moyen le plus facile pour parvenir à ce phénomène-là. On peut parler d'apocalypse si l'on veut, mais c'est le moyen le plus facile. Ce n'est pas le moyen essentiel, par contre. Bon, si l'humain vit le même genre d'expérience, il meurt. Mourant, il se fusionne dans le monde de la mort et il revient à l'échelle de notre planète. Ce qui va arriver, c'est que dans les décennies à venir, plus l'être humain va être capable d'absorber des êtres morts, ce que Nazaréen fait souvent lorsqu'on l'a dit qu'il a supporté le poids de l'humanité, c'est que des êtres humains qui vivaient de son esprit à lui lorsqu'il mourait ne gagnaient plus le monde de la mort, mais héritaient simplement fusionnés au Nazaréen de son vivant. Et il y a des humains qui vont évidemment vivre ce phénomène-là. Assez qu'à un moment donné, le monde de la mort va commencer à être dissous, à descendre, à diminuer. Le ciel va tendre à disparaître. Il va rester les cieux. Et là, évidemment, pour que l'humain puisse entrer en contact avec les cieux, ça sera drôlement plus facilement. C'est pourquoi les premiers qui le font souffrent le martyr, les deuxièmes qui le font souffrent moins, et finalement, ceux qui le font plus tard, eux le font, ben, ça sera extrêmement facile parce que le ciel sera petit. Est-ce que ça expliquerait la parole où, à un moment donné, il a dit « Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste ». Non, c'est que le plus petit dans le royaume des cieux, c'est que si on fait référence à ce qui se passe dans le royaume des cieux, ce qu'il y a de plus petit là-dedans peut créer plusieurs galaxies. Alors, évidemment, Jean-Baptiste, ça devient une trafiquette, ça devient un grain de sable à travers l'océan des galaxies. Bon. Par contre, c'est ce qui explique ce phénomène qu'à un moment donné, Jean de Patmos va annoncer que l'être humain voudra mourir à cette époque et il ne pourra pas mourir. Et le monde de la mort n'existera plus. Tu quittes ton corps, puis il n'y a plus rien. Tu reviens dans ton corps, fini là. Alors, tu pourras être tout défait en morceaux, tu ne pourras pas mourir. Bon. La mort est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça permet à l'illusion de l'ego, qui se croit à l'esprit souvent, et à l'âme. Pourquoi je dis que l'ego se prend pour l'esprit? Pour la simple raison que l'ego est convaincu que son cheminement est de devenir de l'esprit. Son cheminement est de devenir de la matière. Lorsque l'ego stagne au point de vue, au niveau des forces astrales, c'est-à-dire à un niveau satanique, luciférien, disons, parce que luciférien, c'est l'essence même qui porte l'humain à vouloir sacrer son camp, à vouloir évoluer, puisque Lucifer a voulu sauver l'humain, lorsqu'il a voulu précipiter les choses. Mais évidemment, ce n'était pas la fonction apparente, je dis bien apparente, du rôle de l'homme sur la planète, et étant donné que la race espritique s'est mélangée trop rapidement à la race animale humaine, ça a créé l'être humain que l'on connaît là. Parce que j'imagine que la théologie sait très bien que le père créateur de l'humanité, c'est Lucifer. Bon, j'imagine que la théologie, c'est ça. Et que le père créateur de Lucifer, alors là, c'est... Ben, as-tu quelque chose d'un peu semblable à ça? Oui, dit que... on le refuse, mais j'essaie de... Non, mais moi, je pourrais te concéder plein de choses. Pour moi, la vérité, c'est un effet d'amitié. Je pourrais dire que quelque part, on dit que il y a des pouvoirs qui ont été transmis dans la vie par Dieu, qu'on appelle Père, on ne sait trop, là. Père, bon. Et puis, Père, tu sais, ça peut être une mère, finalement. Bon, quel est le sexe de Dieu, hein? Bon, merci, mademoiselle. Madame. Mais faites-vous en c'est vrai. Bon. Ce que dit la théologie, a dit que, par exemple, le mal ne saurait agir sans que Dieu l'en donne la permission, comme pour attirer une espèce de sagesse. Alors, comme l'homme peut procréer. Le mal ne peut pas exister sans la permission. La cause première a laissé libre. Le mal ne peut pas exister sans permission. Alors, quand Lucifer a créé un paquet de choses, qu'il a créé l'absence de bien. Il a créé tout ce qui est... Il a créé le désir dans l'homme d'évoluer. Le vieil homme. Oui, le désir dans l'homme d'évoluer. Voilà. L'homme nouveau ne peut pas évoluer. C'est que ce que l'on fait ce soir est quelque chose qui est relativement nouveau. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et c'est assez surprenant de pouvoir le faire. On a un théologien qui est capable de m'interviewer, tout en conservant sa chevelure jusqu'à la fin. Ça paraît extrêmement banal pour certains. Il y a plusieurs personnes qui viennent aux conférences depuis longtemps, et puis ça prouve une chose, c'est que l'énergie supramentale, lorsqu'elle passe par les bons canaux. Et évidemment, je sais qu'Yvan a vécu certaines choses par rapport à certaines choses. Il a un vocabulaire traditionnel avec une compréhension nouvelle du vocabulaire. Moi, j'ai une compréhension nouvelle avec un vocabulaire peut-être plus nouveau. Il y a des phénomènes ésotériques qui se passent de temps en temps. Quand je parle ésotérique, je veux dire caché, des choses qui sont subtiles et que seuls ceux qui ont des yeux peuvent arriver à voir. Alors, il y a des personnes qui, à un moment donné, vont ne voir rien pour la simple raison qu'ils s'attendent trop à voir d'autres choses. Alors, je vous mets en garde. Soyez observateurs et attentifs. Et on va continuer. Je te remercie, Daniel. Ça va? Bon, alors, on continue dans les questions. Jésus-Christ dit à ses disciples, « Graissez vos pessiques qu'on part pour l'Égypte. » Non, ça, c'était ma question, mais je l'oublie, celle-là, je l'oublie. J'aimerais, vous savez, j'ai fréquenté des gens tellement sérieux, vous n'avez pas idée. Je n'ai pas idée. Je n'ai pas idée avant, ce que j'ai vu, je vous raconterai ça un jour. Tout le monde se promène habillé en rose, en bleu, puis se promène, on a l'impression d'une basse cour céleste, et puis... Alors, j'ai décidé depuis ce temps-là qu'il fallait absolument rire. Et j'ai trouvé Chaussure à mon pied avec Roger Drolet, avec un nom comme ça, et puis Daniel Kem aussi. Et vous donc. Bon. Daniel, il y a beaucoup de questions. Bon, alors, comment alors? Feu! Vous verrez-tu, je vais essayer de te tutoyer. Pareil, je te vous voyais tantôt. Oui, bon. Ça arrive que plusieurs personnes pensent que je suis plusieurs, mais. Tout seul. En ce cas, vous verrez-tu. Alors, voudrais-tu élaborer sur l'esprit christique, l'approfondir? Deuxième question, est-il possible pour un homme d'avoir un esprit christique? Comment y parvenir dans cette vie? Oh, je m'excuse, ma main gauche. Qu'est-ce qu'elle a de ta main gauche? Ben, je... Bon, elle est reliée au cerveau droit, en partant incorrect. Élaborer sur l'esprit christique, l'approfondir, est-il possible pour un homme d'avoir un esprit christique, comment y parvenir dans cette vie? Premièrement, la vie, c'est une farce. Cette vie, c'est une chose intéressante. Plus il y aura... Bon, l'esprit christique, qu'est-ce que c'est? Et par la suite, le reste de la question. On va essayer de répondre quand même un peu brièvement, et puis on va revenir, si on a le temps, à la fin de la période de questions. L'esprit christique, c'est... pourrait être défini comme étant l'esprit tout court. Sauf qu'on a dans notre vocabulaire différentes panoplies de mots qui, comme l'esprit, peut désigner un fantôme, l'esprit peut désigner un revenant, l'esprit peut désirer notre pensée, hein, dans mon esprit, il se passe ceci. Être spirituel peut vouloir dire être comique, être spirituel peut vouloir dire être branché. Alors, à un moment donné, on finit par avoir, on ne sait plus trop de quoi on veut parler lorsque l'on parle de l'esprit. C'est le même phénomène avec Dieu, le même phénomène avec le Père, le même phénomène avec la vie ou avec l'amour. L'esprit christique, c'est de l'esprit. C'est-à-dire que c'est christique en ce sens que ça provient d'un échelon vibratoire qui n'est pas terrestre. Donc, ça provient d'une extraterrestrialité, un autre lieu. Qu'est-ce que nous connaissons sous le nom du monde de la mort? Le ciel et la terre. On sait dans la Bible que la terre a été créée en même temps que le ciel. Dieu créa le ciel et la terre. Et pour la simple raison que la terre et le ciel sont intimement reliés de par leur point de vue vibratoire. L'être humain est un homme, est une femme, est un enfant qui a au minimum 4 plans vibratoires différents bien déterminés. Il a un plan matériel, le corps physique. Il a un plan animatoire, le plan vital. Il a un plan psychologique, un plan émotif, un plan de désir et un plan mémoriel, le plan astral, le monde de l'âme. Et il y a le plan de l'intellect, le plan mental, l'intellect et le mental naissant. Au-delà de cela, on a le monde supramental qui est le premier, et disons, l'échelon le plus bas en vibration de ce qui attend l'homme au-delà du monde de la mort, donc au-delà du ciel, dans les cieux. On parle des cieux parce qu'il y a plusieurs plans dans ces cieux. Et le plus bas est le monde de l'esprit, ou l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, ou le plan supramental, ou l'intelligence active, ou le savoir instantané, ou etc. Lorsque l'énergie supramentale pénètre dans notre contexte planétaire, elle devient imbécile. Lorsque l'intelligence se rend au niveau d'un cochon, elle est du niveau du cochon. Lorsque l'énergie supramentale veut être exprimée par la parole par un animal ou par un homme, elle se doit d'entrer en contact avec cet homme cette femme, cet enfant, cet humain, seulement si cet humain a la consonance vibratoire, une vibration neuronique, une vibration psychologique, une vibration mentale suffisamment élevée pour pouvoir grimper un canal traversant le monde de la mort tout en restant vivant. Et là, l'intelligence supramentale pourra faire son bout de chemin par le biais d'un canal qui sera descendant. Et ce canal dans le monde de la mort porte un nom, l'ajusteur de pensée. Donc, il sera capable de régir la manipulation astrale, la manipulation mémorielle, disons la manipulation dans des termes théologiques sataniques, qui permet ou qui oblige l'homme de penser d'une certaine façon plutôt que d'une autre, et qui le manipule aussi lors de ses rêves, autant que lors de sa vie émotive, colérique, etc. Cet ajusteur de pensée va ajuster la manipulation qui ne pourra plus manipuler l'humain d'une façon aberrante, d'une façon collective. Et elle sort donc l'homme du troupeau. Lorsque l'on parle évidemment des troupeaux et du berger, le berger est un humain qui grimpe, le troupeau est le gang qui suit et qui ne grimpe pas. Bon. Lorsque l'humain commence à sortir du troupeau, lorsque l'humain peut faire le bout de chemin vers cet esprit, l'esprit fait le bout de chemin vers l'homme, et le contact entre les deux crée l'ajusteur de pensée qui va permettre à l'homme de penser peut-être croche, par exemple penser à « bon, peut-être que je devrais aller faire un pignon ». Voilà, l'ajusteur de pensée vient de rectifier quelque chose chez lui. Lorsque l'être humain, lorsque l'homme commence à entrer en contact avec cet ajusteur de pensée, il laisse passer un faisceau qui s'appelle l'énergie supramentale ou l'énergie christique, selon les étymologies. Ce n'est pas grave. Lorsque l'énergie christique traverse, elle descend par le plan mental et elle fait vibrer une glande, la glande pinéale dans le cerveau de l'homme, et elle fait vibrer aussi la structure atomique des neurones, permettant à l'être humain d'avoir une nouvelle forme de pensée. À un moment donné, l'humain apprendra, l'ego sera instruit, qu'il ne doit plus penser, mais qu'il doit parler. Alors, le centre laryngé se développe un peu plus et l'homme commence à parler. De par sa parole, il s'instruit. C'est ce qu'on appelle, c'est le premier palier de l'expression du verbe. L'homme doit avoir une voix qui va s'ajuster, il aura une parole plus juste et lentement, vu qu'il s'instruit, sa parole aura une puissance et c'est ce que c'est, ce sera le verbe. Lorsque l'homme est relié à son esprit, il y a toujours l'ego qui lutte. L'ego se dit « je suis en contact ». L'ego se prend au sérieux. Lorsque l'ego est bien instruit, l'ego finit par s'effondrer. Lorsque je parle du phénomène du Nazaréen, lorsque cet ego s'est effondré, il n'a pas pu être expulsé et il n'a pas pu être transcendé en énergie supramentale, ce qui normalement va arriver dans la majorité des personnes qui sont ici ce soir et des personnes évidemment qui n'y sont pas. Dans la majorité des cas, l'ego va être vitalisé, c'est-à-dire éthérifié, et lorsque l'esprit va prendre la place de l'homme dans l'homme, l'homme va devenir un être supramental, c'est-à-dire que l'homme sera un être christique. Et dans cet être christique, il n'y aura plus d'ego. Donc, l'homme n'aura pas besoin de passer par le processus de la mort comme a dû passer le Nazaréen. Est-ce que l'on peut parvenir à une conscience christique dans cette vie? Premièrement, c'est une question qui n'a aucune importance. Chaque être humain aura son heure et quand le temps sera venu, il aura cette conscience christique. Pour l'instant, selon la constitution biologique, selon la pratique des humains, selon leur cheminement de conscientisation, selon l'entretien qu'ils ont de leur corps, selon ce qu'ils pratiquent pour régénérer ou pour générer quelque chose chez eux, selon leur vie émotive, selon une panoplie de choses, ils auront ou ils n'auront pas de contact avec l'intelligence supramentale dans cette vie-ci. Je répète que ça n'a pas d'importance. L'être humain individuellement n'a d'importance que lorsqu'il a un double éthérique, et l'être humain n'a pas d'importance cosmiquement tant qu'il n'en a pas, c'est-à-dire qu'il vit d'une évolution collective, l'évolution sociétaire. L'évolution des peuples, lorsque l'humain, et dans cette vie-ci, la majorité des Québécois ont la possibilité d'arriver à ce contact avec l'intelligence supramentale pour une seule et unique raison, c'est que présentement, certaines personnalités du monde du passé qui ont eu des contacts avec le plan christique sont présentement vivants dans des corps biologiques à l'échelle du Québec. Ils sont nés Québécois. Et étant donné qu'ils attirent chez eux cette intelligence supramentale, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Et étant donné qu'ils attirent chez eux cette intelligence supramentale, ils permettent à la majorité des humains de pouvoir subir une mutation, disons, neuronique, une mutation biologique, qui va engendrer une mutation psychologique et qui va permettre à la majorité des humains d'arriver à un moment donné à entrer en contact d'eux-mêmes avec leur propre esprit, l'intelligence supramentale. Deux humains qui ont le même, qui ont un contact avec l'intelligence supramentale ou l'intelligence ou l'énergie christique, parleront de la même chose, mais n'en parleront pas nécessairement de la même façon. Donc, ils ne sont pas assujettis à subir une trame de vie, la trame que souvent on va vouloir donner aux avatars. Ici, je trouve l'homme supérieur à Dieu parce qu'il est humain, en plus d'être divin. Il est un plus. J'aime la vulnérabilité de l'homme que Dieu n'a pas. En devenant divin, qu'advient-il de cette vulnérabilité? Bon, c'est une personne qui... J'aime la vulnérabilité de l'homme. J'aime que l'homme ait la diarrhée. J'aime que l'homme ait dans le carrier. J'aime ces choses-là. Je trouve l'homme supérieur à Dieu parce qu'il est humain. C'est comme de dire, je trouve la chose qui est en bas plus haute que la chose qui est en haut parce qu'elle est en bas. Bon, c'est intéressant. Effectivement, Dieu n'a pas le pouvoir et Dieu n'a pas la puissance de devenir ce que nous sommes. Mais, présentement, la majorité des humains n'ont pas la puissance et la possibilité de devenir ce qu'ils ne sont pas. Ou ce que Dieu est. Dieu, c'est une panoplie de choses. Il y a plusieurs dieux sur le plan planétaire. Il y a des dieux à l'intérieur de l'homme. Il y a des dieux placés dans le ciel par l'homme, créés à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et il y a des phénomènes qui n'ont pas de nom et qui ne veulent pas porter de nom, mais que l'homme baptise quand même. La vulnérabilité, c'est un phénomène intéressant. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que de plus en plus, au fur et à mesure de la conscientisation de l'homme ancien vers l'homme nouveau, cet homme ne sera plus vulnérable. Lorsque l'être humain par son orgueil, adore être vulnérable, adore être humain, adore souffrir, adore aimer en souffrant ou adore souffrir d'aimer, adore mourir, adore être un homme. Cela fait partie du plus grand piège du mensonge cosmique. Pourquoi pensez-vous que... vous le pensez peut-être pas, regardez bien ceci. C'est que l'énergie intelligente, il n'y a pas beaucoup d'énergie intelligente qui a accepté à l'origine de ce continuum d'évolution, la Terre, d'être terrestrifié. Le plus grand piège que l'humain peut vivre lorsqu'il devient terrestrifié, c'est qu'il peut aimer la Terre. Lorsque l'être humain, lorsque l'intelligence, lorsque l'esprit aberré par le contact terrestre, qui spatio-temporellement l'oblige à ralentir sa vibration, donc à devenir de l'homme, premièrement de la matière, deuxièmement de la vie, troisièmement de l'âme, quatrièmement du mental, et prochainement, cinquièmement de l'esprit. Lorsque cet esprit devient de l'homme, le gros problème, c'est qu'il va vouloir rester homme. Et c'est pourquoi il va se créer ce monde de la mort dans lequel il va aller, pour pouvoir se rappeler des plaisirs de la vie et pour pouvoir revenir aussi. Remarquez que les premiers dieux qui ont été imaginés par l'homme étaient des dieux jaloux, des dieux qui buvaient, des dieux qui faisaient des orgies, etc. Et on avait la même correspondance à l'échelle de notre planète. L'être humain, ce n'est pas de la merde. Et malgré l'homme ne sera plus vulnérable pour la simple raison que l'homme n'est pas vulnérable. Par contre, la correspondance ombragée de ce qu'est l'homme, ce que vous connaissez comme étant l'humain, est vulnérable pour deux raisons simples. C'est que premièrement, ça n'a pas de puissance et que deuxièmement, ça n'existe pas. Bon, l'homme n'existe pas. Sauf que l'humain a cette conscience d'identité qui l'oblige à continuer à supporter une idée relativement archaïque qui a été inculquée chez l'homme à partir des archétypes, des vieilles formes théologiques, qui sont le seul reflet dans le monde de la mort du passage d'un esprit qui vient sur la Terre. Lorsque l'intelligence traverse le monde de la mort, elle s'effeuillette dessus et toute l'intelligence reste sur ce monde de la mort, tandis que ce qui peut pénétrer, ce qu'il y a, disons, de plus invibratoire dans ce phénomène espritique devient de l'homme. Mais ce phénomène de l'homme n'existe pas. Lorsque l'homme s'imagine qu'il est sur la Terre, par exemple, je suis à côté divin et je ne bouge pas. Mais ça, c'est une illusion majeure. Je bouge. Présentement, je me déplace. Je ne suis pas à la même place. Lorsqu'une personne embarque sur un bateau et qu'il sort, par exemple, du port de Montréal, ou prenons l'exemple de New York, il sort et il dit, tiens, la Statue de la Liberté est encore là. Non, la Statue de la Liberté, elle a bougé. Tout bouge, tout se promène continuellement, et l'être humain, il est convaincu que c'est stable. Regardez, savez-vous à quelle vitesse la Terre tourne sur elle-même? Alors, ne venez pas me dire qu'on est toujours à la même place. Dans l'espace, on bouge. On tourne autour du soleil. Le soleil se promène, tout se promène. Mais l'humain a cette conscience illusoire de stabilité. L'humain a la même conscience illusoire de stabilité au niveau de son émotion et de stabilité au niveau de son identification. Vous n'êtes jamais ce que vous pensez que vous êtes et vous êtes toujours ce que vous ne savez pas que vous êtes. Chaque fois que l'être humain se dit « Oui, mais moi, je me connais, j'ai appris à me connaître maintenant. » Et qu'il se pète la tête ses murs parce qu'il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Pour la seule raison qu'il a appris à connaître ce qu'il était. Mais il ne peut pas savoir ce qu'il est. Pas par la connaissance. Et s'il devient instantané, il n'a plus besoin de le savoir. Alors il s'en fout. Lorsque nous parlons de vulnérabilité, lorsque nous parlons d'un phénomène dans ce genre, l'être humain est vulnérable pour la simple raison que la forme illusoire qu'il se crée, il peut évidemment la transformer au rythme qu'il veut. Sachez une chose. C'est que chaque fois que l'esprit s'imprime dans la matière, c'est-à-dire chaque fois que l'esprit est spatio-temporellement ralenti, cela devient de la matière. Si la matière est suffisamment vibratoire, cela devient de l'homme, disons. Lorsque l'être humain apparaît sur le plan terrestre, il oblige l'humanité et l'univers à devoir supporter sa présence corporelle, donc il prend de l'espace. Prenant de l'espace, il prend du temps. Alors, il oblige l'homme, il oblige tout l'homme et l'univers spatio-temporalisé, ce qui vit dans le temps, parce que Dieu n'est pas dans le temps. Tout ce qui est dans le temps, il oblige ces choses-là à être maintenant altérées par sa présence. Étant donné que l'être humain finit par conceptualiser l'idée que ce qu'il vit est une chose stable, il appelle cela des lois naturelles. Toutes les perturbations cosmiques, pour l'homme, ce sont des lois. Bon, mais l'être humain, il a comme fonction première de démolir ces lois. C'est-à-dire qu'il doit restaurer des choses. Les lois, la loi de la pesanteur, il n'y a rien de plus cave. Ça permet à l'eau de rester dans le verre. Mais l'eau pourrait aussi bien rester dans le verre si on voudrait qu'elle reste dans le verre, et elle pourrait flotter si on voudrait qu'elle flotte. Parce que l'humain a fini par accepter comme étant stable et vrai toute l'illusion atomique, psychologique, amique et mentale de sa constitution, il finit par, évidemment, croire qu'il est vulnérable, croire qu'il est petit, croire qu'il doit être sauvé, croire que, etc., etc., etc. Qu'est-ce que Satan a comme fonction sur le plan terrestre? Obliger l'homme à aimer la terre. Qu'est-ce que Lucifer a comme fonction sur le plan terrestre? Obliger l'homme à sacrer son camp de la terre. Cela permet à l'homme d'avoir toujours l'idée de sacrer son camp. Et d'ailleurs, Lucifer a créé la race que nous sommes parce qu'il voulait faire mieux que Dieu. Il a voulu empêcher l'énergie espritique de devenir de l'homme. Mais ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, c'était prévu. Mais lui, ça ne va pas. Maintenant, il sait. Bon. Et Satan, qu'est-ce que c'est? C'est une constitution qui provient de l'âme de l'homme, permettant à l'homme d'aimer les choses de la matière. Alors, l'humain est pris entre deux feux, celui de « je reste ici, je ne veux pas mourir », et celui que, le bord de la mort, il y a quelque chose de mieux. Ou encore, je dois prier pour pouvoir m'en aller au ciel, et en même temps, je prie parce que je n'ai pas d'orgelet. Bon, je prie parce que je n'ai pas de cancer. Alors, on a le phénomène tétanique matériel, le phénomène luciférien qui veut faire pousser, et tout ça est là et impeccablement bien fait pour permettre à l'homme de ne pas quitter son plan terrestre parce qu'il doit faire quelque chose ici, et pour permettre à l'homme de ne pas oublier qu'il provient d'un autre plan. Lorsque l'esprit traverse, l'être humain ne devient plus vulnérable, l'être humain devient autre chose. La vulnérabilité, c'est conditionnel de l'acceptation de l'homme d'être ce qu'il est. On va répondre vite pour les autres, hein? Pourquoi n'y avait-il pas de femmes parmi les apôtres? Parce qu'à cette époque, la femme n'avait pas d'âme. Non, mais c'est la raison. Je ne dis pas que c'est vrai qu'elle n'avait pas d'âme, sauf que c'est ce qu'on pensait. Et sachez une chose, mesdames, c'est que le Nazaréen a été crucifié. S'il aurait fallu qu'une seule femme rentre dans son harem d'homme, il aurait passé au cage vraiment plus rapidement. Premièrement, la femme, elle était la servante de l'homme à l'époque. La femme n'avait pas d'âme à l'époque, ce qui était faux, mais enfin, c'était quand même conçu et accepté. La femme, elle était là pour procréer des mâles si possible, et on ne pouvait donc pas penser qu'à un moment donné, une femme pouvait venir et comprendre des choses de l'homme. Il faut comprendre qu'il y a eu une femme qui s'est rapprochée du Nazaréen, Marie, celle qui, à un moment donné, le Nazaréen a, disons, éliminé, a décarnisé, celle qui était une prostituée et qui, par la suite, va même aller jusqu'à rencontrer le Nazaréen lorsqu'il est sur la croix. Alors, il y a eu de très grandes initiées femelles et il y a eu des initiées mâles. Maintenant, pourquoi on n'en parle pas? Par la simple raison, je répète que l'autorité était patriarcale à l'époque, donc les évangiles ont été écrits par des hommes, la théologie a été constituée par des hommes, et évidemment, on devait donc éliminer la femme, sauf dans le cas de la vestale, c'est-à-dire, encore une fois, de la servante. Bon. Alors donc, la femme, elle était extrêmement intéressante à l'époque, mais le Nazaréen a travaillé avec des femmes, sauf qu'on n'en parle pas, et au niveau de ses disciples majoritaires, c'était des hommes, parce qu'à l'époque, l'homme passait mieux que la femme. Bien, aujourd'hui, ça change, puis il est temps, évidemment. Or, c'est pourquoi il n'y avait donc pas de... le Nazaréen n'était pas homosexuel, c'était la société qui était patriarcale, homosexuelle dans la tête. Le Nazaréen a-t-il été le premier homme nouveau sur la planète? Puis-je, au niveau de l'homme nouveau, avoir un rôle à l'intérieur de l'Église catholique? Le Nazaréen a-t-il été le premier homme nouveau sur la planète? C'est pas important comme question, remarquez. Ça ne change rien à l'évolution de l'humanité. Je ne dis pas ça pour frustrer. Et de toute façon, la personne qui pose la question connaît la réponse. Puis-je, au niveau de l'homme nouveau, avoir un rôle à l'intérieur de l'Église catholique? Ben, ça va de soi. L'homme nouveau n'est pas confiné à être à l'extérieur, ou etc. Sauf certaine, c'est qu'il y aura deux formes de choses intéressantes qui vont paraître prochainement. Il y aura un antéchrist, il y aura un antichrist. C'est pas? L'homme nouveau qui fait partie de l'Église catholique, le rôle important qu'il jouera, ça sera un rôle qui, présentement, serait appelé antichrist par les humains qui ne comprennent pas. Le rôle le plus important qu'un humain peut jouer dans une église, c'est bien de faire comprendre aux fidèles de l'église que toutes les icônes qu'ils prient ne servent à rien. Et que lorsque l'on se sert de certains mots ou de certains noms pour exprimer notre plan émotif, lorsque, par exemple, qu'au nom du Christ, on décide d'aller sauver la vendeuse de billets de loterie, l'homme nouveau qui serait à l'intérieur d'une église serait un homme nouveau qui dirait aux fidèles, maintenant il est temps que vous ouvriez vos yeux. L'église n'est pas mauvaise, ce qu'elle enseigne est vrai, mais les églises restreignent l'homme. C'est normal. C'est intelligent. Mais un homme nouveau qui rentre dans une église n'est pas là pour accepter le dogme de l'église. Tout à l'heure, je me faisais dire par Yvan que l'homme ne venait pas au monde pour être régi par la loi. La loi était constituée par l'homme pour régir l'ensemble. Alors, un homme nouveau qui rentre dans une église, évidemment, risque de mettre le feu aux poudres dans plusieurs têtes. Que doit-on penser de toutes les sectes qui prêchent le Christ? Possèdent-elles chacune une parcelle de la vérité? On aime ça que tout le monde possède une parcelle de la vérité, n'est-ce pas? On aime bien ça. Oui, bon. C'est intéressant. Que doit-on penser de toutes les sectes? Vous pensez ce que vous voulez. Qui prêchent le Christ, possèdent-elles chacune une parcelle de la vérité? De toute façon, s'il y a un homme quelque part, il y a au moins une partie d'énergie intelligente quelque part. Elle peut être colorée par l'aberration de l'astral, par l'aberration de l'ego. L'être humain peut se prendre au sérieux. C'est pas compliqué. Je pourrais vous donner un paquet de trucs pour vérifier des choses, mais que devons-nous en penser? Sachez une chose, c'est que si elles existent, c'est qu'elles ont des raisons intelligentes d'exister. Est-ce qu'elles s'adressent à vous? Peut-être pas. Donc, elles, pour vous, de votre point de vue, elles peuvent être inintelligentes. Mais on ne détruit pas une secte parce que pour nous, elle ne sert à rien. Pourquoi dérangeait-il les autorités en place? Parce que les autorités étaient en place. Tout est bougeant, tout bouge. Si t'es en place, t'es stable, t'es mort. Alors, lorsque quelque chose de vivant rentre quelque part, ben, ça dérange. Dans la Genèse, on parle du premier récit de la création et du deuxième récit. Il est plus réel de parler du premier récit de la création, d'une première création et d'une deuxième création. S'il vous plaît, commentez. La théologie croit que le premier récit est romancé et que le deuxième est réel. Bon, l'un des problèmes de la théologie, c'est qu'elle croit. Premier récit est romancé, c'est un fait. Dans ce premier récit, on peut retrouver des choses qui sont peut-être camouflées, mais peut-être beaucoup plus réelles que dans le deuxième récit. On parle du commencement, on parle du verbe, on parle de la création, on parle aussi du phénomène de le spatio-temporel, de la création des jours, de la création de toute la phénoménologie de l'homme, des animaux, des végétaux, etc. Lorsque l'être humain, lorsque la Bible, lorsque la théologie aborde ces phénomènes, elle les aborde toujours à partir de ce qui a été écrit. Il faut bien comprendre que la Genèse a été écrite par un bonhomme. Et d'ailleurs, une grande partie, jusqu'au Deutéronome, ça a été écrit par le même bonhomme. Il y a un bonhomme qui a écrit tout le début de la Genèse, tout le début même de l'Ancien Testament. J'espère que tu es au courant. C'est qui? C'est écrit au 5e siècle, le récit. C'est un scribe, je n'ai pas son nom, mais c'était le récit collectif de toute manière. Oui, mais je ne parle pas du nom du scribe, je parle du nom du gars qui a donné à écrire. Bon, on parle d'inspiration. Ils partaient du réel et puis ce qu'ils observaient, par exemple, quand ils ont vu la femme dans l'état de suggestion, ils sont imaginés que la femme devait être soumise... La théologie, il y a encore des choses à lire. Bon, OK. Oui, ça, c'est pas grave. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça se rapproche. Il manque le nom. C'est pas grave. C'est ça. La semaine prochaine. La théologie croit que le premier récit est romancé, que le deuxième est réel. La création de l'univers ne s'est pas faite textuellement comme on l'a dans nos livres. Lorsque l'intelligence descend chez l'homme de cette époque, elle transmet une connaissance qui ne peut être exprimée par la parole que selon la parole. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, à l'époque, inventer de nouveaux mots, et on ne pouvait pas, sauf en hébreu, il faut dire que la majorité des premiers évangiles ont été écrits en grec, et qu'une grande, grande partie de l'Ancien Testament avait été écrit aussi en d'autres langues qu'en hébreu, n'est-ce pas? Alors, donc, on avait des mots qui manquaient. L'hébreu était assez intéressant, il permettait d'inventer des mots, ce qui d'ailleurs complique énormément la traduction. Lorsque nous parlons de la création, on pourra en revenir un peu la semaine prochaine, parce que le Nazaréen parle aussi de la création, des mondes, et il a expliqué à l'homme le rôle de l'homme sur le plan de la planète. Évidemment, ça n'a pas été compris. Il a même expliqué la finalité de l'homme en tant qu'humain sur le plan de la Terre et ça n'a pas encore été compris. On va y revenir là-dessus. Mais la création telle qu'elle est instruite dans la Bible, elle est romancée dans les deux cas et elle est plus réelle dans le premier des récits. Un récit inspiré, quand Josué a arrêté le soleil, par exemple. Quand Josué a arrêté le soleil, on sait très bien que le soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais l'important, c'est que Dieu a la maîtrise de l'univers. C'est ça qu'il faut entendre. Comme un tour de capote. Ouais, OK. Où est-elle, ça? Je n'ai pas l'habitude avec... comment appelez-vous? Ouais, on va te mettre un micro-cravate la semaine prochaine. Tu vas parler de Pierre et de Lazare. Quel est le rôle de chacun? Un Pierre dans le visible et l'autre Lazare dans l'invisible ou le monde de la mort. Bon, Pierre a reçu du Nazaréen la possibilité de soutenir une église. Lazare, on n'en parle pas dans l'Évangile, sauf lorsque le Nazaréen va le ressusciter, mais en réalité, il ne le ressuscite pas, il le réveille. Bon, Lazare, c'est intéressant. Lazare, certaines personnes le connaissent. D'ailleurs, il y a même une exposition de Lazare ces temps-ci à Montréal. Et effectivement, Lazare a travaillé énormément au niveau des plans de l'invisible. Il travaille encore au niveau des plans de l'invisible, c'est-à-dire au niveau du monde de la mort, mais évidemment, surtout au niveau du plan moronciel, c'est-à-dire le plan de la vie sans matière. Et Lazare va travailler de plus en plus au niveau du plan de la matière. Qu'en tant qu'à Pierre a été celui qui a dû supporter l'agression continuelle de tous les phénomènes anti-religieux, de tous les phénomènes religieux autres que l'Église catholique. Et c'est donc l'Église catholique romaine qui a servi de tampon absorbant ou absorbeur pour permettre à Lazare de pouvoir faire le travail qui lui était confié. Quelle est maintenant l'intelligence de la procréation biologique de l'homme si le supramental peut procréer des surhommes capables de supporter l'énergie christique? La génétique permettant à l'énergie supramentale de muter un corps physique doit être suffisamment avancée. À l'époque du Nazaréen, il y avait deux probabilités d'apparition christique, Jean le Baptiste et évidemment Jésus. Lorsque la génétique de la mère était suffisamment avancée, cela permettait à l'énergie supramentale de pouvoir transformer quelque peu cette génétique, créer un corps physique qui pouvait subir une mutation lors de son vieillissement lors de l'enfance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de corps physiques qui naissent déjà, génétiquement conçus pour recevoir, pour aller vers ce contact avec l'esprit, sauf qu'il n'y a pas encore suffisamment de corps physiques étant capables de supporter, disons, génétiquement dans l'ovaire, c'est la femme évidemment qui devra le supporter, de plus en plus il y aura l'homme, on n'a pas encore suffisamment de corps physiques pour en supporter un contact inconscient direct avec le plan supramental. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'état de Marie, Marie a été énergisée premièrement par un contact avec un Melchisedec. Une énergie catalysante, un catalyseur d'évolution qui a permis à Marie de voir son corps physique augmenter en vibration. Par la suite, elle a reçu la visite, bon, d'une autre forme énergisée qui était et qui pouvait se personnifier. On parle évidemment d'un archange. Et par la suite, elle a reçu la finalité, son corps physique était suffisamment évolué, vibratoire, pour permettre un contact avec l'esprit ou l'intelligence instantanée. Maintenant, aujourd'hui, étant donné que le monde de la mort est beaucoup plus dense qu'il ne l'a jamais été, étant donné que le monde de l'émotion est beaucoup plus dense, donc étant donné que les forces d'évolution sont beaucoup plus puissantes, les Melchisedecs n'ont plus de contact avec le plan terrestre, ils vont revenir plus tard. D'ailleurs, c'est eux qui ont initié Moïse, qui ont initié Abraham et qui en ont initié d'autres. Et les Melchisedecs ne peuvent plus revenir pour l'instant toucher ou rencontrer ou faire vibrer un corps humain. Le contact entre des antennes supramentales, des antennes, disons, collectives, d'énergie supramentale, des humains qui ont un contact, comme le Nazaréen l'avait à un moment donné, peuvent permettre certaines choses. Sauf que ce n'est pas intelligent, étant donné que l'évolution, du point de vue de l'esprit, n'est jamais une chose présente. Du point de vue de l'homme, oui. Mais l'esprit ne vit pas dans le temps. Enfin, très peu. Lorsque l'humain, par sa génétique, enfante des enfants de plus en plus nouveaux, des enfants qui ont un corps pouvant recevoir un contact avec l'intelligence instantanée, ben, ces enfants vivent une crise de l'adolescence vers l'âge de 6-7 ans, ce que le Nazaréen a vécu aussi. Ils vivront une crise de l'adolescence biologique vers l'âge de 12 ans, à peu près. Et ces enfants sont des enfants qui, justement, présentement, prouvent que l'intelligence peut bâtir des corps différents. Mais évidemment, le problème, c'est qu'étant donné que la société est beaucoup plus structurée qu'à l'époque, qu'on ne croit plus aux prophéties, c'est-à-dire qu'à l'époque, lorsqu'un prophète arrivait, on l'écoutait. Aujourd'hui, lorsqu'une personne vient parler, on est sûr que c'est un faux prophète. Alors, en fin de compte, on va mettre les vrais, les faux et ceux qui n'en sont pas dans le même bateau. Et on va couler le tout. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont de cette race nouvelle. Il y a évidemment des adultes qui mutent, donc qui ont un contact avec l'intelligence instantanée et leur corps se transforme. Pourquoi le goût du Nazaréen, lorsqu'un enfant est-il resté intégral dans le monde de la mort? L'ego du Nazaréen, c'est-à-dire l'ego de Jésus, est resté dans le corps physique. Lorsque le corps est mort sur la croix, l'ego s'est en allé dans le monde de la mort. Et pourquoi il est resté intégral? Pourquoi il n'a pas été fusionné? Pour la simple raison, pourquoi il n'a pas été, disons, digéré plus réellement dans le monde de la mort? Pour la simple raison qu'il n'y avait aucun autre ego à l'époque qui avait vécu d'un événement similaire. Donc, étant donné qu'il était le seul, il allait se placer dans un plan très élevé du monde de la mort, les hautes sphères spirituelles, et il est resté là, seul, pendant. Alors, si l'énergie descend sur la Terre et qu'elle se sert du corps pour expérimenter la matière et qu'elle repart sans se fusionner avec l'ego, que deviennent tous les égos sur la Terre? Très bonne question. Le premier ego qui a été fusionné a été l'ego de Lazare. Et tous ceux qui vont suivre verront leurs égos fusionnés avec le Deubétérique. Le Nazaréen provenait d'autre chose que du monde de la terre, et l'ego de Jésus n'était pas un ego qui avait la possibilité de se fusionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une grosse partie de la mémoire de cet ego qui a été intégré lors de la crucifixion, tandis que l'ego même de l'enfant avant ou pendant le contact avec l'intelligence instantanée n'était pas un ego fusionnel, donc cet ego n'avait pas la possibilité de se fusionner. Évidemment, dans les temps qui viennent, il se fusionnera avec son esprit. Dans la majorité des cas, des humains présentement en phase de conscientisation supramentale, ben évidemment, leurs égos vont être anégoïsés, c'est-à-dire que de plus en plus, l'ego va être réduit à de l'énergie vitale qui sera fusionnée avec le double éthérique, donc avec la correspondance supramentale de l'esprit. À cette époque, ça ne pouvait se faire. Lazare a été le premier à se fusionner. La visualisation mentale ainsi que la répétition verbale de phrases clés peuvent-elles aider un individu à évoluer plus rapidement ou est-ce une illusion? Ça permet de supporter le temps d'évolution chez l'individu. Ça ne permet pas d'accélérer, ça ne permet pas de ralentir. Si on ne le fait pas, on ne ralentit pas, et si on ne le fait pas, on n'accélère pas non plus. Ça permet par contre à l'ego de supporter son temps d'évolution. La visualisation mentale, c'est intéressant, ainsi que la répétition verbale de phrases clés, donc des mantras, peuvent aider l'ego à continuer à vibrer chez lui qu'il est en phase d'amélioration. Mais l'amélioration ne se fait pas au niveau de l'ego. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'un ego qui évolue? Un ego qui évolue, c'est un ego qui meurt. Ça évolue. Ça, c'est évolutif. Mais quand l'ego reste vivant, quand l'ego apprend des choses, quand l'ego ramasse des bébelles, quand l'ego apprend comment il devrait être s'il ne serait pas là, c'est pas d'évolution, c'est de l'illusion. Alors, à un moment donné, on dit à l'ego, tu devrais apprendre à être plus humble. T'sais, l'ego, c'est orgueilleux. Son expression est de l'orgueil. Alors, comment voulez-vous qu'un ego orgueilleux apprenne à être humble? Ben, seulement s'il sait que l'humilité est une vertu. S'il sait que l'humilité est une vertu et voulant avoir des vertus, alors il sera humble, il sera modeste, il s'en vantera, ce que faisaient les pharisiens et les sadducéens de l'époque du Nazaréen. Donc, l'ego, ça n'évolue que si ça s'en va. Et lorsque ça s'en va, ça laisse de la place. Et lorsque ça s'en va, ça ne meurt pas. Lorsque l'ego meurt, il n'est pas parti. Lorsque l'esprit pousse sur l'ego, l'ego baisse en vibration et il devient de l'énergie vitale, la seule chose qui peut entrer en correspondance rapide avec le plan supramental. Alors, les égos se fusionnent de cette façon. J'en ai déjà parlé en conférence, on va de toute façon y revenir. L'ego se fusionne de cette façon. L'ego du Nazaréen de l'époque ne pouvait pas se fusionner parce que la correspondance énergétique entre les deux plans n'était pas la bonne. Si le temps, c'est la transformation de la matière, car c'est l'observation des transformations qui nous fait voir que le temps existe. Est-ce que cela veut dire qu'à la fin des temps, toute transformation, tout changement seront inexistants et que rien ne changera plus désormais? Le temps n'est pas la transformation de la matière. La transformation de la matière, c'est la vitesse. Le temps, c'est une quantité de matière. La vitesse, c'est la transformation de la matière, c'est-à-dire la friction du temps sur l'espace, donc la matière, et l'espace, c'est une quantité de temps. Bon. Aussi fou que cela puisse paraître, lorsque nous avons quelque chose de matériel qui apparaît quelque part, elle impose son espace, elle impose son temps. Au niveau d'une coupe d'eau, ça ne paraît pas. Au niveau d'un trou noir, ça paraît. Au niveau d'une galaxie, ça devient intéressant. La vitesse est la transformation. Alors, on peut transformer une image visuelle, une personne qui se déplace, comme on va aussi, par la vitesse, transformer les objets. La vitesse, c'est l'altération de l'espace sur le temps. Et le temps n'est pas la transformation de la matière. Lorsqu'il n'y aura plus de temps, est-ce que la matière va cesser de se transformer? Lorsqu'il n'y aura plus de temps, bien évidemment, il n'y aura plus d'espace. Donc, il n'y aura plus de création, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de création. Lorsque je dis ceci, évidemment, il y a beaucoup d'égos qui tremblent. Il y a autre chose que ce que l'homme connaît. Il y a autre chose que de l'espace et du temps. Il y a autre chose que ces continuums. Nous vivons dans un monde à quatre dimensions. Et il y a autre chose que ces choses. Il y a, à un moment donné, un paramètre qui n'est pas limité, qui existe pas. Je dis bien qui existe pas, et non pas qui n'existe pas. Alors, à un moment donné, on va revenir là-dessus, sur ce phénomène qui n'existe pas. Sauf qu'il ne faut pas qu'on pense que lorsque l'univers au complet va être finalisé, qu'il ne va rien se passer, que l'humain va être finalisé. Regardez, le gros problème de l'âme qui veut évoluer, c'est qu'il se pose la maudite question, la journée, je vais avoir fini d'évoluer, m'en faire quoi? La grosse question que l'ego se pose, c'est quoi? Ben c'est pourquoi évoluer? T'sais, en fin de compte, pourquoi monter? Si c'est éternel, ça sert à rien. Puis s'il y a une fin, qu'est-ce qu'on va faire rendu là? Alors autant ralentir pour pas y arriver à cette fin. Mais l'ego n'évolue pas. Par contre, l'ego pose ce genre de questions. L'évolution n'est pas une question de salut. L'évolution est une question de fonction, de rôle à jouer. Plus l'humain monte en vibration, plus l'humain voit clair. Lorsque l'être humain entre en contact avec sa conscience esthétique, il sait ce qu'il a à faire et il sait pourquoi il a à le faire. Le rôle de l'homme, c'est de terminer, de faire en sorte que l'évolution expansive de notre univers cesse et de la résorber. Lorsqu'il la résorbera, il va rester quoi? Rien. Il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus d'espace. Alors, où va être l'énergie? Où va être l'homme? Où va être ce qu'il appelle Dieu? Il va là, il va être là où il est, mais dans une région qui ne peut pas porter de nom, parce que dans un mot, on a du temps et de l'espace. Étant donné que le cerveau est régi par le temps et l'espace, pour la simple raison que le cerveau prend de l'espace et que la communication interneuronique prend du temps, l'être humain ne peut faire autrement que de comprendre l'univers à partir du temps et de l'espace. L'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, permet à l'homme de goûter de l'instantanéité. Lorsque les choses sont instantanées, il n'y a plus besoin d'espace, il n'y a plus besoin de temps. Lorsque l'instantanéité s'exprime chez l'homme, il comprend les choses qu'il ne peut pas expliquer pour la simple raison que les cerveaux régis par l'espace-temps ne peuvent pas le comprendre. Donc, un jour, vous le saurez de par vous-même, mais on ne vous l'aura pas dit et on ne peut pas vous le dire. Et vous le saurez. Alors, vous serez sûr de ne pas vous être fait avoir. Combien y a-t-il de faisceaux au Québec? 13. Est-ce que chaque faisceau a besoin d'un être christique? Est-ce que la mort de l'homme nouveau physiquement n'existe pas? Peux-tu commenter? Est-ce que tu peux aller chercher ton double éthérique dans ton vivant ou s'il faut que tu meures avant? Au Québec, il y a 13 faisceaux majeurs. Évidemment, il y a plusieurs millions de faisceaux mineurs. Est-ce que chaque faisceau a besoin d'un être christique? Ben, oui. Est-ce que la mort de l'homme nouveau physiquement n'existe pas? Ça n'a aucune importance. Le corps de l'homme n'est pas une condition essentielle à son évolution ou à sa conscientisation lorsqu'il a un double éthérique. Peux-tu commenter? Voilà. Est-ce que tu peux aller chercher ton double éthérique de ton vivant ou il faut que tu meures avant? Évidemment, je lis la question comme pouvons-nous aller chercher notre double éthérique avant? Ou s'il faut mourir. Depuis que le Nazaréen est passé, l'être humain aura un contact avec son double éthérique de son vivant. Il n'aura pas besoin de mourir pour avoir un contact. De quoi est composée l'énergie et comment on fait pour en recevoir? Pour en recevoir, on fait exactement ce qu'on fait présentement. On s'occupe de tout. De quoi est composée l'énergie? On pourrait revenir à la fin si on a le temps, parce que ça peut être extrêmement intéressant, mais extrêmement long. Selon moi, la vie est une maladie du néant, un cancer du néant. Est-ce que ce néant cancéreux va guérir un jour? Dans ce néant cancéreux, il y a le tout. S'il y a le tout, il y a le néant. Et on ne peut pas parler de maladie à partir d'un phénomène qui est intégral en lui-même. On ne peut parler de cancer qu'à la condition exclusive qu'on ait le concept de quelque chose d'autre. Et ce concept n'existant pas dans ce néant, ce concept devient donc une illusion. Alors, il faudrait que l'orgueil de l'homme finisse par accepter le néant cancérigène ou cancéreux comme étant sans doute le paradis, étant donné qu'il ne voit le paradis que dans ce qui n'existe pas. L'orgueil de l'homme le gêne énormément dans sa conscientisation pour la simple raison que l'homme est toujours en train de comparer ce qui est à ce qu'il aimerait que les choses soient, ce qui fait que l'être humain ne peut pas avancer. Lorsque l'être humain observe les choses telles qu'elles sont, il découvre l'intelligence des phénomènes. Alors, il ne parle plus de cancer, il part à rire. Il voit l'intelligence des choses. Le néant, ça n'existe pas. Le tout, ça n'existe pas. Selon moi, la vie est une maladie du néant, un cancer du néant. Est-ce que ce néant cancéreux va guérir un jour? Lorsque l'être humain va cesser de le traiter de cancer, lorsque l'être humain va penser que c'est plus un cancer, ben, il ne sera plus un cancer. On ne peut appeler mutation le fait de devenir qui on est, d'être. C'est un mot inapproprié. C'est actuellement que nous sommes mutés. Une mutation est un accident génétique et non planifié comme celle dont vous parlez. L'homme est une mutation, un accident. Qu'en pensez-vous? Bon. Lorsque nous parlons de mutation, la mutation qui est un accident, c'est la mutation des pauvres savants qui ne comprennent rien au phénomène de l'intelligence. Lorsque le savant crée une mutation, elle est plus souvent autrement négative. Mais évidemment, l'être humain étant suffisamment orgueilleux, il s'illusionne que si lui crée une mutation et qu'elle est négative, ben l'intelligence supramentale ou toutes les forces cosmiques qui règlent l'univers ne peuvent pas faire mieux que lui. À un moment donné, il faut qu'il se réveille parce qu'il y a des boutons qui vont me pousser sur le nez. Bon. Le fait de devenir ce qu'on est d'être. On ne peut appeler mutation le fait de devenir ce qu'on est. Mais si on ne peut pas appeler mutation le fait de devenir ce qu'on est, comment pouvons-nous dire devenir ce qu'on est? On ne peut pas devenir ce qu'on est. C'est pas. On est ce qu'on est ou on devient ce qu'on n'est pas. Bon. La mutation est une mutation biologique. L'être humain, dans sa grande candeur spirituelle et orgueilleuse, s'illusionne d'être ce qu'il est. Moi, je dois être ce que je suis. Ben, regarde-toi dans un miroir, puis c'est ça que t'es. Puis quand t'es en colère, c'est ça que t'es. Alors lui-même, tu dis non, non, non, il y a quelque chose d'autre chez moi qui est moi et que je dois laisser s'exprimer. Non, ça, c'est les concepts très, très, très, très jolis, très béatifiants de ce que t'es pas. Que tu veux, à un moment donné, finir par laisser s'exprimer. On appelle ça être un acteur. On peut prier pour cela, on peut jeûner pour cela, on peut devenir végétarien pour cela, on peut s'habiller de telle façon pour cela, on peut faire bien les choses pour cela. L'être humain n'a pas à devenir quelque chose. L'être humain n'a qu'à être ce qu'il est. Et étant ce qu'il est, il devient instable. Étant instable, il se déplace. Se déplaçant, il peut maintenant cheminer sous d'autres plans de conscience. Et pour que le corps puisse suivre, le corps va aussi être transformé. Et c'est cette transformation que j'appelle mutation. L'être humain va dire, oui, mais il n'y a pas de mutation. Oh, je suis désolé, mais il y a une mutation. Premièrement, le cerveau change. La quantité de cellules gliales augmente. Le système neuronique s'actionnise drôlement mieux. Le système endocrinien est de moins en moins manipulable par le phénomène de l'émotion. Les hormones sont de moins en moins stockées dans le corps de l'homme, permettant à l'être humain d'exprimer son évolution réelle, plutôt que de continuer d'exprimer l'évolution qu'il était dans le passé. Et il y a toute une panoplie de choses qui font que, effectivement, l'homme mute. Les enfants nouveaux qui naissent de plus en plus sont des corps physiques différents et la mutation a été positive parce que régie par de l'intelligence. Alors, ces enfants ne peuvent pas souffrir émotivement comme l'humain aujourd'hui souffre, comme l'homme ancien souffre. Ces enfants ne peuvent pas penser émotivement comme l'homme ancien pense. Ils pensent d'une façon plus logique, même s'ils ont des sentiments. Lorsque je parle de mutation, je parle d'une mutation qui peut être reconnue par l'autopsie. Quelles sont les choses dans l'enseignement du Nazaréen que l'on n'a pas compris et qui sont utiles pour... Est-ce que je parle assez fort pour en arrière, sans doute? Vous ne m'entendez pas, hein? Il faut me rassurer. Quelles sont les choses dans l'enseignement du Nazaréen que l'on n'a pas compris et qui sont utiles pour nous présentement? Exemple, les paraboles. La chose la plus importante, c'est qu'un jour, vous pourrez faire comme lui et vous pourrez faire plus que lui. Ben ça, il est temps, à un moment donné, que vous vous battez les fesses pour arriver à vibrer un peu plus, que c'est peut-être le temps de faire quelque chose. Je veux pas que l'ego se dise, bon, ben OK, je vais faire quelque chose. Moi, t'es capable de marcher sur l'eau, moi, tout. Pas ça. Marcher sur l'eau, n'importe quel imbécile peut parvenir à le faire. Tout ce qu'il lui faut, c'est d'être capable. Alors, c'est pas d'évolution. Faire comme le Nazaréen a toujours été compris comme exprimer les mêmes symptômes de l'évolution que lui. Alors, il a fait ceci, il va multiplier les pains. Tiens, moi, j'ai besoin de boulons pour bâtir ça, il va multiplier les boulons. Bon. L'être humain ne peut faire autrement que plagier, copier, arracher la vie de la mémoire astrale du Nazaréen et se la mettre sur le corps pour penser qu'il peut vivre cela. Il y a même des pauvres types qui se font crucifier encore à chaque Pâques, hein, pour vous dire ce que ça donne. Alors, lorsque l'un des enseignements les plus incompris, c'est évidemment que l'être humain peut faire la même chose. Un jour, vous pourrez. Il ne parlait pas à vous autres. Il parlait à ceux de 2000 ans. Mais vous pourrez, c'est dans l'avenir. On est 2000 ans plus tard. C'est peut-être ça, l'avenir. C'est l'une des choses que l'humain n'a pas compris. À un moment donné, il parle. Il y aura de faux prophètes. Mais ça veut dire qu'il y en aura des vrais. Alors, l'humain est des faux prophètes. Tout prophète est faux. C'est réglé. Même celui qui se prétend faux prophète devient prophète. On le place une secte, on l'encarcanise, puis devient faux. Le Nazaréen a dit autre chose aussi. C'est qu'il a dit à l'homme que l'homme avait la faculté de pardonner. Pas Dieu. Le pardon provient du ciel. Du Père dans le ciel, ou du Dieu dans le ciel. À un moment donné, il y a un pauvre mec qui vient le voir, puis qui lui pose une question, puis le Nazaréen lui dit, « Tu veux te faire pardonner, c'est beau, beau, beau, beau, beau. Va pas à l'église faire des offrandes. Règle tes problèmes karmiques avec ceux avec qui tu les as engendrés. Puis après ça, si tu as du temps à perdre, tu iras à l'église. » De l'autre chose, le Nazaréen instruit l'homme, que c'est lui qui est le maître. Pas les forces astrales ou pas les forces du ciel ou les forces célestes qu'il manipule. Un point tel que le Nazaréen va dire, tant que vous êtes cave, tout ce que vous avez comme énergie à placer, mettez-la pas dans des œuvres d'art, mettez-la pas dans des bibelots, mettez-la pas dans de l'or, mettez-la pas dans des trucs, dans des vêtements. Tout ce qui émotivement vous avez à exprimer, si vous le placez là-dedans, vous le perdez. Et cette émotion est de l'énergie. Un jour, vous aurez l'intelligence pour pouvoir prendre cette énergie et faire quelque chose. Alors, en attendant que ce jour vienne, placez cette énergie dans un récipient qui, ou là où on ne peut pas aller fouiller. Alors, il a dit à l'homme de placer ses trésors dans le ciel. Pas dans les cieux, ça ne se met pas là non plus. Dans le ciel. Là où toutes les canailles de la planète ne peuvent pas les fouiller. C'est normal. Parce qu'avec votre nom, vous pouvez placer cela. Et un jour, avec votre nom, vous pourrez aller chercher. Mais ça, on va y revenir la semaine prochaine. C'est des choses qu'il n'a pas dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas écrit. Bon. Parce qu'il dit bien des choses. Donc, il y a ce phénomène-là de placer ça dans le ciel. Et lorsqu'il dit à l'être humain de prier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de têter le ciel pour en recevoir un peu quotidiennement de cette énergie-là. Quand t'en as trop, va dans un temple, puis remercie, puis broye, puis rampe, puis monte à genoux, puis traîne un peu dans le bout. Mais t'en as trop d'énergie, mets-la en haut. Quand t'en as plus, prie, elle revient. Et là, ça crée une vie un peu plus équilibrée au niveau de l'émotivité spirituelle. Mais il finit son enseignement avec le mot-clé « Amen », qui veut dire « ainsi soit-il », qui veut dire « qu'il en soit ainsi ». Ça, c'est un ordre. L'homme doit ordonner au ciel. Maintenant, l'homme a de l'ego. L'homme a de l'orgueil. L'orgueil va dire « alors j'ordonne d'avoir une limousine demain ». Le problème, c'est que l'ego de l'homme n'a pas la puissance pour ordonner. Elle tait. Elle peut donc ordonner par la prière émotive, par l'espoir. On va dire souvent que ça marche mieux quand on prie pour un autre. C'est normal, quand tu pries pour un autre, tu nommes son nom. Quand tu pries pour toi, tu nommes pas ton nom. C'est normal que ça marche pas, c'est l'une des clés. Bon, une chose intéressante. Mais il y a bien des choses, justement, sur lesquelles on va revenir. Alors donc, dans ces enseignements, il y avait le « Amen », le « qu'il en soit ainsi ». Lorsqu'à un moment donné, quelqu'un vient le dire, on pense qu'il se prend pour un autre. Non, non, il est un autre. Bon. Lorsque l'on prie, on place, et c'est intéressant de prier, sauf si on a la faculté d'utiliser l'énergie tout de suite. Alors, on ne prie plus. Un peu comme une personne qui regarde quelqu'un qui a faim et qui se met à prier pour lui. Mais cette énergie-là, pauvre type, prends-la donc en pain puis donne-y donc. Bien, ça, c'est efficace. Mets-la pas en prière dans l'espoir que lui, sans savoir comment aller la chercher, il ne pourra pas la chercher. Alors, il y a toute une panoplie de petits points qui ont été amenés. Le ciel... Oui, c'est intéressant. Les cieux, c'est intéressant. L'un des grands, grands enseignements, c'est que je suis le Fils de Dieu. C'est que par la suite, je suis. Donc, l'homme devient Fils de Dieu lorsqu'à un moment donné, l'ego prend conscience qu'il est la réplique de quelque chose de supérieur. Alors, il l'appelle Père ou Mère. Et à un moment donné, lorsque la fusion s'accomplit par le biais du corps physique, ben, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, il n'y a plus de Dieu. Tu es. Jamais le Nazaréen n'a été à l'Église. Sauf qu'il était jeune. Après ça, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Tu vas pas, dans une église, chercher toi, tais-toi. Dans ces enseignements, il y a ces choses qui sont extrêmement importantes, qui sont majeures. Je les ai dit rapidement. C'est enregistré de toute façon si on n'a pas le temps de mémoriser. Alors, quelqu'un écrit, vous n'êtes pas tanné de mourir. Je ne veux pas me reproduire parce que c'est donner la mort. Moi, on me l'a donnée. Je ne la voulais pas. Quelle est cette haine de la vie et de l'homme? La haine de la vie de l'homme, oui, franchement, pauvre lui. Vous êtes allé, vous n'êtes pas allé de mourir, bande de caves. Ah! On censure. Église catholique. Mais tu sais que quand on censure, le sang devient sûr. Ça meurt. Êtes-vous sûr? Ah, certain. Je ne veux pas me reproduire parce que c'est donner la mort. J'espère qu'elle est morte. C'est celle qui écrit ça, là. Personne ne peut le dire. Non. Non, il est encore vivant. Oui, je sais. C'est encore vivant biologiquement. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette haine de la vie? Lorsque l'homme apparaît sur le plan de la Terre, il a la coloration archétypale, il a un savoir instantané très coloré qui lui dit que ce qu'il voit ici n'est pas la finalité. Et même que souvent, que c'est même de l'illusion. C'est tellement infime et petit par rapport à ce que ça pourrait être que l'humain le sent. Alors l'humain, poussé par des forces d'involution, les forces luciférienne et satanique, va lentement concrétiser, conceptualiser un ciel, un paradis, un Éden, qui a déjà existé d'ailleurs au Québec, on l'a vu la semaine dernière, et qui, à un moment donné, finit par prendre plus de poids dans sa conscience que la réalité. La réalité, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un nuage passe, il passe. C'est qu'un arbre pousse, il pousse. C'est la réalité. Mais l'homme, lui, veut fonctionner avec la vérité, et non pas avec la réalité. Alors, il est même prêt à inventer une réalité nouvelle qu'il placera dans un avenir potentiel, probable, et qu'il dynamisera par de l'espoir et finalement par la foi. Alors, lorsque cela est trop bien ancré dans sa conscience, il finit par haïr la vie. Et au nom des énergies, des instincts de survie, il accréditera quand même que le suicide n'est pas une chose permise, mais il aura quand même hâte d'en finir avec sa vie. Et lorsque l'être humain est manipulé pour parler ou penser ou haïr la vie, c'est qu'il est tout à fait assujetti à la conceptualisation des choses qui ne sont pas. On peut parler du ciel, c'est plus beau. Hein? Un des plus grands problèmes de l'homme ancien, c'est qu'il dit qu'après la mort, il y a le paradis. Il y a un monde meilleur. Alors, tous ceux qui disent ça, qu'est-ce qu'ils font encore sans terre? Ben, c'est qu'ils espèrent bien gros, mais ils sont pas sûrs. Mais ils continuent à en parler plus que de la vie sur la planète. Ça crée un maudit dilemme. Quand je dis que l'homme est manipulé, c'est qu'il est manipulé. Alors, ces êtres humains ne savent simplement pas ce qu'ils disent. Évidemment, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils font, parce qu'ils sont manipulés. D'ailleurs, c'est l'un des grands enseignements du Nazaréen avec, lorsqu'il finalise en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est que l'être humain est tout à fait manipulé. Alors, on ne peut pas obliger karmiquement à l'humanité de supporter quelque chose qui est régi par les forces d'involution, qui elles-mêmes sont régies par les forces d'évolution, et qui elles-mêmes est régie par ce que la majorité des humains appellent Dieu. L'homme est manipulé, la femme est manipulée, l'enfant est manipulé. J'en ai parlé souvent, et d'ailleurs, c'est l'un des points sur lesquels le Nazaréen précis a précisé, à un point tel qu'en mourant, il précise encore une fois, « Pas grave, gang de caves! » Pas vous autres, il l'a fait. Alors, tous ceux qui sont tristes que le Nazaréen ait été crucifié par leur propre race, ben, c'est qu'ils n'ont rien compris. Tous ceux qui sont contents n'ont rien compris non plus. Ce n'est pas l'homme qui a crucifié le Nazaréen. Vous dites que le Nazaréen vit en 1987 parmi nous. Autre chose. Qui est-ce? Pardon? Parmi nous. Parmi nous. Je n'ai pas dit que le Nazaréen était présent parmi nous. J'ai dit que l'ego de ce Jésus était présentement réincarné. Ce qui n'est pas la même chose. Quelle est la différence entre conscience supramentale et conscience cosmique dont on parle en méditation transcendantale? Fondamentalement, c'est le même phénomène. Conscience cosmique est une conscience qui est instruite chez l'homme, qui a amené ce terme. Donc, évidemment, on parle de... J'ai la manière de prononcer son nom, enfin, du bonhomme qui a amené cela. Et lorsque ce bonhomme a amené ce phénomène, on parle de conscience cosmique. Évidemment, ce n'est pas le premier à l'avoir amené. Ce mot ressort dans plusieurs autres étymologies. On parle d'une conscience qui englobe, si possible, les cieux plutôt que le ciel, et qui englobe, évidemment, le ciel et la terre. Sauf que conscience cosmique est un terme un peu inapproprié dans certains phénomènes d'étymologie. Le terme est très bon. La conscience supramentale est la troisième partie de la conscience cosmique. La conscience supramentale n'est pas cosmique. La conscience supramentale est instantanée et elle est omniprésente, elle est omnipotente et elle n'est pas encore omnisciente. Donc, elle peut tout, elle est partout, mais elle ne sait pas tout. La conscience cosmique est une conscience super-universelle qui, présentement, n'est pas atteinte et ne peut être atteinte par l'homme. Et autre chose, par la méditation, on n'atteint pas la conscience supramentale. Ce n'est pas lorsque l'être humain... C'est intéressant, le phénomène de toutes les formes de méditation où on essaie de faire en sorte que l'ego disparaisse. C'est la mécanicité de l'anégoïsation. Les méditations, comme celle transcendantale, permettent à l'humain d'arriver, à certains humains, d'arriver à une phase d'anégoïsation intéressante qui leur permettra, lorsqu'ils abandonneront la méditation, de pouvoir entrer en contact avec leur propre esprit par le biais d'un ajusteur de pensée. Évidemment, ça s'adresse à certains individus. Sauf que celui qui continue à méditer régulièrement n'a rien compris, c'est-à-dire que son ego a été coloré. L'ego finit par jouir de la méditation, donc l'ego est toujours là, et l'humain reste dans la technique plutôt que de travailler dans la finalité de la technique. Le Nazaréen est-il allé au Tibet pour apprendre à méditer et apprendre certaines techniques? Non, il est allé au Tibet pour apprendre à rire. Est-ce ce cheminement qui l'a aidé à être supramental? C'est vrai que les Tibétains sont très souriants. Le Nazaréen a voyagé sur des bateaux phéniciens. Il a voyagé en Grèce, il a voyagé à Rome, il a voyagé un peu partout aux Indes. Et ce n'est pas... Il a voyagé en Égypte, évidemment. D'ailleurs, il y a même des traces de lui en Égypte. Et ce n'est pas ces voyages qui l'ont formé. Ces voyages auraient pu le déformer. Sauf que ces voyages permettaient simplement à différentes personnalités de l'ego de Jésus de pouvoir retrouver une connotation vibratoire de ce qu'il a créé au niveau pluralisation réincarnative. Cela a donc permis à l'ego de se fusionner complètement. Et lorsque le Nazaréen est revenu, il pouvait commencer à parler parce que l'ego avait suffisamment été nourri pour pouvoir maintenant se taire et se plaire parce que l'ego se sentait sécure. Je veux simplement dire que dans le corps du Nazaréen au niveau de l'âme, il y avait du grec, il y avait du romain, il y avait de l'indien, il y avait du chinois, du mongolien pour être plus précis, et il y avait une partie de juif. Et ces égos, comme d'ailleurs la majorité des personnes à un moment donné ont le goût de voyager, ben, il y a une partie d'eux qui veut aller quelque part. Bon, ils ont déjà, une partie a déjà vécu cette vibration. Alors, le Nazaréen a voyagé ces pays de façon à ce que telluriquement, énergétiquement, vitalement, l'ego puisse se constituer, se fusionner et se taire. Et une fois que les voyages ont été faits, le Nazaréen commence à parler et ce n'est pas parce qu'il a voyagé. Vous avez annoncé à l'entracte le séminaire Murphy. En quoi consiste cette technique de relaxation? Bon, la technique de relaxation Menefi est une technique qui n'est pas seulement de relaxation, mais c'est qu'on oblige la constitution mentale de l'homme, la constitution cartésienne, neuronique, cartésienne, le cortex, à devenir une espèce de maître contrôleur du corps physique, c'est-à-dire par un travail arriver à soutirer le contrôle de l'âme, que le contrôle qu'a l'âme sur le système endocrinien pour permettre à l'être humain de vivre un peu moins d'émotions dans son corps, les émotions qui souvent perturbent l'humain, de façon à permettre au mental d'arriver à établir de nouveaux canaux neuroniques pour que celui-ci puisse tout à fait contrôler le corps physique, ce qui fait que finalement, lorsque l'être humain vit des situations de stress, émotivement il vit le stress, le physique ne le vit plus, ce qui permet à l'humain d'arriver à conserver son corps plus jeune plus longtemps. Et le travail de la, disons, de la menphisation permet aussi au cerveau, par le travail, disons, mental, un travail relativement énergétique, permet aussi au cerveau, parce qu'il reprogramme, parce qu'il recrée des canaux au niveau neuronique, de pouvoir permettre un grand rajeunissement au niveau des cellules cérébrales. Bon, cela dit comme ça, ça devient un peu intéressant et un peu peut-être original, mais il y a des personnes qui sont relativement apparemment âgées et qui ne se disent plus âgées maintenant, et il y a donc des personnes qui ont appris à faire différentes choses. La technique Menfi est une technique qui fait partie du programme Être Contrôleur, mais de plus en plus, on enseigne ces techniques ici au centre, hors programme Être Contrôleur, pour les individus qui auraient à aller chercher peut-être juste une chose plutôt que tout le programme au complet. Alors, la technique Menfi, c'est ce que cela veut dire. Menfi veut simplement dire mental vers le physique, ce qui amène évidemment à l'être humain à travailler un peu plus au niveau de son plan mental. Les relaxations conventionnelles sont très bonnes, sauf que les relaxations conventionnelles font partie d'une technique qui fait qu'on doit oublier le corps, le sentir pesant, on coupe des morceaux, on finit par le laisser aller, et le corps doit se démerder dans sa relaxation, tandis que l'ego fait une espèce de voyage astral où il peut triper, soit en écoutant des cassettes, des musiques, ou autre chose. Alors évidemment, lorsque l'on parle d'homme transitif, d'homme nouveau, ben, les corps sont changeants, les corps sont différents, et les techniques doivent être nouvelles. Ça va de soi. Quelle explication peux-tu donner concernant la tour de Babel? On m'a déjà traité de tour de Babel. On n'a pas osé faire ça. Il faut que l'homme fasse ce qu'il a à faire. Quelle explication peux-tu donner concernant la tour de Babel? Pour ça, il faudrait qu'on parle de la naissance du langage, de la naissance des mots, de la consonance vibratoire qui permet à l'être humain d'exprimer quelque chose. Mais la tour de Babel, telle qu'elle est appelée, telle qu'on en parle évidemment dans la Bible, mais c'est encore une fois imagé, et c'est tout à fait convenable, à l'époque on ne peut pas tout comprendre. Lorsque l'être humain vit sur un territoire particulier, il ne peut pas être nombreux. Lorsqu'il vit sur un territoire, il mange des aliments provenant de ce territoire, ce qui fait que son corps physique est déterminé par son alimentation, et évidemment par sa génétique. Mais étant donné que les parents mangent, ce que l'enfant mangera, c'est déterminé par le milieu, par l'alimentation. Son alimentation constitue un système neuronique, un système vibratoire, un système endocrinien, un centre laryngé, une panoplie de choses qui mettent en résonance l'humain de ce territoire au territoire. C'est pourquoi on aura donc différentes races. L'Égypte, l'Égyptien n'est pas comme le Romain, comme l'Italien, parce qu'ils vivent sur deux territoires théoriquement différents. Le Québécois est différent aussi. Lorsque le petit peuple mange la même chose, il parle la même langue, c'est-à-dire que lorsqu'ils observent un objet nouveau, la vibration qu'ils ont de l'objet, chez eux, est transmise par un verbe particulier, et tous vont être d'accord pour l'appeler comme ça. C'est la nomie. Pourquoi? Parce que telluriquement, tous vont vibrer de la même façon à cet objet, et ça va constituer des langues, c'est-à-dire un langage qui sera bien catalogué. Lorsque l'humain, lorsque le peuple grossit trop, il finit par vivre sur d'autres territoires. Se nourrissant de d'autres choses, telluriquement, il vibre différemment et nécessairement, les objets, il les exprimera différemment, ce qui va créer les langues. Ce n'est pas parce que l'homme voulait rejoindre Dieu. C'est parce que l'homme a voulu, a grandi, l'homme s'est étendu et dans cette étendue, l'humain a dû habiter d'autres régions et lorsque par les échanges entre ces régions, on a voulu communiquer. Bien évidemment, après plusieurs générations, on s'est rendu compte que le langage était zéro. Et évidemment, il fut un temps où l'homme parlait télépathiquement, et il fut un temps où l'homme se servait du verbe, et il fut un temps où l'homme a pris le sens de la parole, ce qui a créé évidemment les langues.